Jason, tu recherchais la toison. Jadis, t'étais le cousin d'Ulysse. Jamais tu ne te décourageais. Oh, Jason. Aujourd'hui, chaque jour et chaque nuit, jovial, océanographe spatial, jouant à mesurer l'océan. Aujourd'hui, j'abdique, satellite altimétrique, jazzman moins connu que Bob Dylan. Jaloux de toi, j'en suis comme un pou. Oh, j'abdique. Car tu es parmi les premiers. Et tu fais du CNES la fierté. Quel rôle jouent exactement les océans dans le climat? Quels sont les moyens utilisés pour déterminer ce rôle? En quoi les océans sont-ils aussi des victimes du réchauffement climatique? À quoi peuvent aider les satellites d'observation des océans dans cette lutte contre le réchauffement climatique? On va donc en discuter ce soir avec nos deux intervenantes. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Annie Cazenave et Marina Lévy. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Annie Cazenave, est-ce que vous voulez prendre le micro et nous dire qui vous êtes, à quel titre vous vous exprimez? Alors, je m'exprime à titre personnel. Ah oui. Voilà. Bon, mon nom, vous l'avez déjà dit, je m'appelle Annie Cazenave. Je suis chercheur basée à Toulouse, dans un des laboratoires du CNES, le Centre National du Spatial, mais je pense que tout le monde connaît ici, puisque vous, je pense qu'il y a des habitués. Et qu'est-ce que j'y fais? Eh bien, depuis longtemps, puisque là, j'ai commencé ma carrière il y a longtemps, j'étudie la Terre avec les satellites. Et voilà. Et pendant longtemps, j'ai étudié plutôt la forme de la Terre, le champ de gravité de la Terre, l'intérieur de la Terre. Et puis, depuis quelques années, je suis plutôt remontée vers la surface et j'étudie l'océan. Et votre laboratoire, c'est le LEGOS, hein, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Et vous êtes vraiment une, vous avez participé à des rapports du GIEC, hein, le GIEC, donc l'IPCC. Voilà, donc, le quatrième rapport. Ouais. Qui faut rappeler ce que c'est que le GIEC, hein. Le GIEC, c'est le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Sur le climat, je ouais. Me rappelle plus exactement le sigle français. Les quatre lettres y sont, c'est bon. Voilà. GIEC, qui est un groupe qui a été créé en 1988, mandaté par les Nations Unies pour faire une synthèse à échelle, à intervalle de temps régulier auprès des politiques et de la société civile sur les effets des activités humaines sur le climat. Voilà. Donc c'est des milliers de chercheurs à travers le monde qui compilent toutes leurs informations. Qui font pas de recherche, ils font de la recherche, mais pas dans ce contexte-là. Voilà. On fait de la compilation pour faire un état, point. Ils font une synthèse régulièrement tous les 6-7 ans. C'est 5 ans, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe. Pardon? Je crois que c'est 5 ans, mais apparemment je me trompe. Ça dépend, oui. Le quatrième rapport, il a été publié en 2007 et le cinquième en 2013. Donc ça fait 6 ans. D'accord. Très bien. Voilà. Et à votre côté, donc, Marina Lévy. Bonsoir. Donc moi je suis également chercheuse, basée dans un laboratoire à Paris qui s'appelle le LOCÉAN, qui est un acronyme qui veut dire Laboratoire d'Océanographie et du Climat, Expérimentation et Analyse Numérique. Donc c'est un laboratoire vraiment dédié à l'étude du climat et de l'océan et des interactions entre climat et océan. Et on utilise toute une gamme de méthodes en fait pour étudier ces interactions qui vont de l'observation in situ avec des campagnes à la mer, l'utilisation des données spatiales et également la modélisation numérique dont je pourrais parler puisque c'est ma spécialité. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les modèles de climat et d'océan. Et ma spécialité, c'est d'étudier la biogéochimie marine, donc tout ce qui concerne... La biogéochimie marine. Donc la biogéochimie, c'est ce qui est la biologie avec la chimie. Donc c'est un peu le lien entre la biologie, la chimie, le début de la vie. Et tout ça, comment est-ce que c'est lié à la circulation océanique et quel rôle ça va avoir sur le climat? Et en contrepartie, comment est-ce que le climat va affecter les organismes marins, les choses comme ça. Et je travaille Encore plus spécifiquement, ma petite niche de recherche, c'est d'essayer de comprendre le rôle de la turbulence océanique, c'est-à-dire vraiment, l'océan c'est un fluide comme l'atmosphère, c'est un fluide comme un café dans une tasse, et c'est un fluide qui est turbulent, comme la fumée de cigarette, on voit des volutes. Et j'essaye de comprendre en quoi ces turbulences sont importantes, quels vont être leur rôle, comment ça fonctionne. Voilà. Parfait. Et avec vous, Annie Cazenave, vous êtes plus particulièrement spécialiste de l'élévation du niveau des océans. Alors justement, j'ai une question pour vous. On dit que les océans montent, s'élèvent. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à quel point? Alors, la réponse, c'est oui, la mer monte. Ouais. Bon, elle monte déjà depuis pas mal de temps, depuis le début du XXe siècle. Et ça, on le sait, pas grâce aux satellites, mais grâce à des instruments qu'on appelle des marégraphes qui ont été installés il y a un siècle ou plus dans les ports pour étudier les marées océaniques. Donc on a des enregistrements sur le XXe siècle, sur plusieurs décennies, et qui nous montrent que la mer a monté au cours du XXe siècle. Avant, c'était depuis deux millénaires, c'était relativement plat. Et là, ces instruments nous disent que la mer a monté en moyenne de l'ordre de 17 centimètres, en moyenne globale. En combien de temps? De quand à quand? En un siècle. En un siècle, 17 centimètres. Voilà. Et puis, depuis 20 ans, on utilise les satellites. Et c'est beaucoup mieux, pour plein de raisons. C'est que les satellites, ils voient tout l'océan, ce qui n'est pas le cas des marégraphes qui sont installés, comme j'ai dit, dans les ports, donc le long des côtes continentales, et ils ne voient pas du tout ce qui se passe en plein océan. Alors que les satellites, eux, couvrent l'ensemble du domaine océanique en quelques jours et repassent sur les mêmes régions, etc. Donc on a vraiment un monitoring très, très global de l'océan et surtout ouais. Très précis, beaucoup plus précis que ces instruments dont j'ai parlé. Et qui nous permettent d'étudier d'ailleurs pas que la mer qui monte, plein d'autres choses, les courants, on va en reparler voilà. Et en particulier cette hausse du niveau des mers qui... Donc, on vous a dit 17 centimètres en au, siècle. Au cours du XXe siècle. Oui, voilà. Et alors depuis 15 ans. Et depuis 20 ans, 8 centimètres, c'est-à-dire que ça a accéléré. La hausse est de l'ordre de 3 mm par an, ça peut paraître un tout petit 3 chiffre. 3 mm par an, c'est rien un ça. Un petit peu plus. Oui, ben ouais. c'est rien, sauf qu'en 20 ans, ça fait quand même 8 cm en moyenne globale. Et donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que depuis une vingtaine d'années, cette hausse accélère. Et bon, après, vous allez peut-être me poser plus tard la question pourquoi ça monte, et je vous répondrai. Oui, absolument. Oui, avant de demander pourquoi ça monte, une question importante, c'est, vous dites que, apparemment, comment dire, on met des marégraphes dans les ports, mais l'océan, c'est étal, c'est homogène. Donc, ça doit monter dans tous les ports de la même manière. Eh bien, non. Non. Voilà. La mer, bon alors ça c'est pas la les marégraphes qui nous le disent, ce sont les satellites qui nous ont permis de le découvrir, puisque justement à cause de cette couverture globale de l'océan, les satellites voient ce qui se passe partout, et on a découvert que la mer ne monte pas partout à la même vitesse, monte pas de manière uniforme. Donc la mer n'est pas étale, elle n'est pas parfaitement, je sais pas comment dire, d'abord, c'est pas une sphère parfaite. Ah bon, d'abord, hein, elle n'est si pas plate, dire. Mais ça, peut-être on en parlera plus tard. Il y a des creux des bosses. Oui, il y a des creux des bosses, voilà, il y a des creux des bosses. Et en plus de ça, ben justement, elle n'est pas lisse. Elle n'est pas lisse, et la mer, la hausse du niveau des mers, là, c'est lié vraiment au réchauffement climatique. Je pense qu'on va en parler. La hausse globale, la hausse actuelle qu'on observe, elle est liée au réchauffement climatique. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus de détails. Oui, bien sûr. Et ce qu'on a observé avec les satellites, c'est qu'il y a des régions où la vitesse d'élévation est 4 fois supérieure à la hausse moyenne. Et c'est en particulier. Il y a des régions où la hausse moyenne est 4 fois supérieure à ce qu'elle est ailleurs. Voilà. Où elle est 4 fois supérieure à la hausse moyenne, d'accord. Et c'est en particulier le Pacifique tropical ouest. Donc il y a beaucoup d'îles basses, des atolls, la Micronésie, la Mélanésie, etc., qui sont impactées de manière assez importante par cette hausse non uniforme de la mer. Non uniforme. Alors peut-être qu'on peut regarder, vous savez, vous avez un petit livret sur vos tables, Et peut-être qu'on peut regarder le document qui se trouve en page 2. Vous avez le numéro de page en bas à droite. Qu'est-ce que c'est que cette courbe rouge ? Alors, cette courbe rouge, ben justement, c'est qui est presque une droite, comme vous pouvez le voir. C'est l'élévation du niveau moyen global de la mer, qui est mesuré par les satellites altimétriques, comme Jason. Et donc, cette courbe vous montre cette élévation depuis 1993. Alors, pourquoi 93 ? Ben parce que le premier satellite qui a permis de mesurer ce paramètre, eh bien, c'est le satellite franco-américain Topex Poséidon. Franco-américain, c'est-à-dire c'était le CNES avec la NASA. Voilà, exactement. Topex Poséidon, c'était une grande date, ça. Pardon ? C'était une grande date, ça. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. C'est le vrai début de l'océanographie spatiale. Et donc cette courbe-là, elle démarre en 1992, en fait en 1993, parce qu'il faut quelques mois pour acquérir les premières mesures, les calibrer, etc. Et là, je pense que la mise à jour est tout à fait récente. On a fait ça la semaine passée. Et donc la courbe va jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez que ça monte. C'est vraiment une courbe qui est à jour, hein. Elle va vraiment jusqu'en 2015. Oui. Bah, on la met à jour régulièrement dès qu'on reçoit les mesures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là en 2011 ? Alors en 2011, la mer a baissé. Ça, je peux vous dire pourquoi. Oui. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce phénomène qu'on appelle El Niño, qui est la plus grande perturbation naturelle du système climatique et qui survient tous les 4-5 ans. Enfin, c'est pas régulier, hein, c'est pas vraiment périodique. Dans le Pacifique tropical, en situation normale, on a une poche d'eau chaude dans la partie ouest du bassin, là où la mer monte le plus vite d'ailleurs, mais ça, enfin, c'est un petit peu lié, mais bon, on va peut-être pas rentrer dans ce genre de détails. Alors pourquoi il y a une poche d'eau chaude là ? C'est parce que les alizés poussent les eaux de surface de l'est vers l'ouest. Et puis quand il y a un phénomène El Niño qui survient, les vents, la vitesse des vents décroît. Et la poche d'eau chaude, eh ben, elle a tendance à glisser le long de l'équateur vers l'est. Et elle va buter vers les côtes de l'Amérique centrale et du Pérou. Et ça crée des grandes perturbations climatiques avec sécheresse à l'ouest, en Australie, en Indonésie, et puis pluie, précipitations intenses et inondations de l'autre côté. L'océan perd de sa chaleur à ce moment-là. Alors, il y a un échange de chaleur, avec l'atmosphère, mais ce qu'on voit là, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec la chaleur. C'est que ce phénomène perturbe le cycle de l'eau. Alors, il y a les événements El Niño, celui que je viens de décrire, mais il y a le phénomène inverse qu'on appelle La Niña. La Niña, oui. Voilà. Et qui est, en fait, c'est plutôt un refroidissement du Pacifique tropical. D'accord. Et pendant La Niña, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il pleut plus sur les continents, en particulier dans les tropiques, en Amazonie, en Afrique et en Australie, etc. Et comme le stock d'eau sur la Terre, il est constant, eh bien, s'il y a plus d'eau sur les continents, parce qu'il pleut plus, il y a moins d'eau dans la mer. Et ce qu'on voit là, c'est exactement ce phénomène. D'accord. Et c'est pas une histoire que je vous raconte, c'est-à-dire que on le quantifie exactement avec des données. Voilà. Donc on voit bien cette courbe qui monte de façon tout à fait décidée, régulière. Voilà. Et là, depuis quelques mois, ça monte même... Ça monte encore plus vite. C'est presque vertical. Ça monte encore plus vite, d'accord. Et en page 3, est-ce qu'on peut passer à la page 3 et vous allez nous commenter page 3. Là, c'était juste une moyenne de toutes les mesures que les satellites nous fournissent. Page 2, c'était une moyenne, oui. Oui, une moyenne géographique. Des mesures qui nous sont fournies par les satellites en tout point de l'océan. Et puis quand on regarde, quand on fait une carte et qu'on essaye de cartographier la hausse dans toutes les régions de l'océan, ben on s'aperçoit... Là, c'est la hausse de la température ou c'est la hausse de... Non, c'est la hausse de la mer. C'est le niveau. C'est pas du tout la niveau température, de la mer. Oui, c'est le niveau. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est rouge, dans les régions qui sont rouges, orange et rouge, ça correspond à des vitesses d'élévation, de hausse. Plus je monte vite. Voilà, et plus je suis bleu foncé, moins je monte vite. Moi, je monte moins vite que la moyenne, quoi. Voilà, c'est ça. Je monte moins vite que la moyenne. Alors vous voyez que effectivement il y a, j'ai parlé du Pacifique tropical, mais il n'y a pas que le Pacifique tropical. Il y a l'océan Indien, il y a le sud du Groenland, il y a l'Atlantique central, etc. Et au large de la France, par exemple, c'est assez étal. Ça monte, on monte pas beaucoup nous. On monte à la même vitesse que la moyenne. On monte à la même vitesse que la moyenne. Alors on monte quand même, mais à la même vitesse que la moyenne. D'accord. Donc là encore une fois, l'océan n'est pas homogène. Ben je sais pas, peut-être qu'il faut, je sais pas, mon objectif. Non, mais on est d'accord. Mais vous voulez savoir pourquoi? Annie Cazenave, depuis le Capitole, voit la mer monter, mais jamais ne s'affole. Elle est venue à Paris pour nous dire qu'elle n'est pas lisse. Un océan rugueux, ça n'est pas une lapalisse. Ad. Elle habite pas place du Capitole. Bon, mais quand même. Pas loin, pas loin. On va continuer avec vous, Marina Lévy. On va revenir, bien sûr, à nos questions d'élévation des océans. Ensuite, avec Annie Cazenave. Et vous, votre sujet en particulier, c'est la modélisation, la biologie de l'océan. Voilà, qu'est-ce que vous mesurez avec les satellites? Qu'est-ce qu'on voit avec ces satellites quand vous vous intéressez aux questions qui sont les vôtres, à la turbulence, à la modélisation de l'océan? Alors, pour ce qu'on voit avec les satellites, on voit, bon, l'élévation, c'est une des, je dirais, des quatre mesures essentielles qu'on voit pour l'océan avec les satellites. La deuxième, ça va être la température de surface. C'est-à-dire la température vraiment du premier mètre de l'océan qu'on va pouvoir mesurer par satellite. Avec, qui va nous montrer, là la température, on sait très bien que c'est pas homogène, mais ça va nous montrer qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus chaudes que d'autres, ça on le sait, il y a une différence entre le nord et le sud, mais on va pouvoir aussi voir, grâce à ces températures, des structures qui vont être toutes petites, l'équivalent des cyclones et des anticyclones qu'on connaît bien dans l'atmosphère, on va les voir sur ces cartes de température de manière très claire. Il y a des endroits de l'océan, donc c'est des taches rondes, si vous voulez, qui ont un diamètre d'une centaine de kilomètres, qui vont être soit des anomalies froides, soit des anomalies chaudes qui se déplacent dans l'océan, qui sont ces turbulences. On peut mesurer depuis peu d'années, en fait, c'est la dernière mesure la plus récente, c'est la salinité de surface. Donc ça, c'est la troisième mesure, la salinité. Donc le taux de sel, la quantité de sel par litre, ouais. Et celle qui m'intéresse le plus, moi, c'est ce qu'on appelle la couleur de l'océan. C'est très joli. Et c'est vraiment parce qu'on mesure la couleur. C'est-à-dire qu'on va mesurer dans quelle longueur d'onde la lumière du soleil est réfléchie par l'océan. Et l'indication... Donc quand on parle de la couleur, c'est pas que la lumière visible, hein, c'est le visible plus le proche infrarouge. Plus le proche infrarouge, d'accord. Et l'indication de cette couleur va nous donner une information sur la quantité de chlorophylle qu'il y a dans la surface de l'océan. Et la chlorophylle, c'est le pigment du phytoplancton. Et le phytoplancton, en fait, c'est la plus grande majorité de la biomasse, de la vie dans l'océan, si vous voulez. C'est sous la forme de ce phytoplancton, qui sont des micro-organismes qui sont comme des plantes, en fait, mais microscopiques, hein, qui se baladent dans les océans et qui sont le premier échelon de la chaîne alimentaire de l'océan. Donc c'est ça ce qui va alimenter ensuite les plus gros poissons et toute la chaîne trophique. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable... La chaîne trophique, c'est la chaîne alimentaire. Hein. Voilà, c'est la chaîne alimentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'observer de manière très précise avec les satellites. Et alors, quel lien avec le climat? D'accord, vous pouvez voir le phytoplancton, c'est la quatrième chose qu'on peut voir, mais quel lien avec le climat? Alors le lien avec le climat, il est lié au fait que le phytoplancton, en fait, utilise du CO2 pour sa croissance. Et donc il intervient dans le cycle, ce qu'on appelle le cycle du carbone. Donc l'océan joue un rôle important sur le climat pour deux raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va jouer un rôle sur la chaleur, il va absorber en fait 90% de la chaleur est absorbée par l'océan. Ça, on l'a pas encore dit. Hein. On l'a pas encore dit, mais 90% de la chaleur est absorbée par l'océan, de la chaleur supplémentaire. Et l'océan... La chaleur qui est apportée par les par gaz le à effet de serre. Hein. Climatique. Ouais, par le réchauffement climatique. Ouais. Donc 80% de cet excès est emmagasiné dans l'océan. C'est 93%, n'est-ce pas, Annie Cazenave? Annie Cazenave dit 93%, mais enfin bon. D'accord, c'est pas... Oui, oui. C'est un ordre de grandeur, mais disons que c'est quand même la plus grosse majorité. Et puis, ensuite, l'océan capte également... entre un tiers et un quart des émissions de CO2 par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, sur tout ce qui est émis par l'homme, il y en a, disons, environ un quart qui est absorbé par l'océan, il y en a environ un quart qui est absorbé par la biosphère terrestre, et il n'y en a plus donc que la biosphère terrestre. C'est les forêts. Voilà, les forêts en particulier, oui. Voilà. Et le reste s'accumule dans l'atmosphère. Donc en fait, dans l'atmosphère, il reste que la moitié, grosso modo, de ce qu'on a émis. Oui. Donc l'océan joue un rôle important. L'océan joue un rôle d'amortisseur parce qu'il capte une partie des gaz à effet de serre supplémentaires apportés par l'homme. Et il joue aussi un rôle d'amortisseur en ce qui concerne les températures, puisqu'il va récupérer, emmagasiner 90% de l'excès de température produite. Et ça, c'est des choses qu'on est capable d'observer par satellite. Alors, on ne mesure pas directement par satellite comment l'océan absorbe du carbone. Ça, c'est pas quelque chose qu'on est capable de mesurer. C'est quelque chose, pour le mesurer, il faut aller dans l'océan. Il faut faire des mesures précises, ponctuelles. On sait pas le regarder de l'espace. Par contre, on peut utiliser toutes les informations spatiales qu'on a pour contraindre des modèles numériques qui vont, eux, permettre d'accéder à des estimations de ces informations-là, qui sont les informations qui vont être importantes pour le climat. Donc vous voyez le phytoplancton. Le phytoplancton, il se nourrit de gaz à effet de serre. Et j'allais dire, et alors ? Qu'est-ce que ça... Et alors, c'est utile de regarder le phytoplancton ? Alors c'est utile parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir combien de gaz à effet de serre est piégé par l'océan. D'accord. Voilà, et comment ça fonctionne et pendant combien de temps ? Ce qui est important, c'est de savoir combien de temps ces gaz à effet de serre vont être gardés par l'océan. Est-ce qu'ils ne vont pas être directement recrachés ? Et ce qui va compter, c'est la profondeur à laquelle ils vont être enfouis. Et ces organismes vont permettre, en fait, finalement, d'enfouir le carbone dans le fond de l'océan parce qu'ils vont couler en mourant ou ils vont se dégrader. Et ça va amener un flux de matière organique depuis la surface où ils vont piéger les gaz jusqu'au fond de l'océan où ils vont être emmagasinés. Et comme la circulation... Emmagasiné de quelle manière ? Parce que voilà, on a notre phytoplancton, il emmagasine le CO2, le CO2, il récupère le carbone pour constituer sa matière, si je puis dire, la matière dont il est constitué, organique, ouais. Organique, et il coule. Et ensuite, en profondeur, cette matière organique, elle va être dégradée par des bactéries qui vont retransformer cette matière organique en matière inorganique, donc en CO2. Donc ça va être vraiment sous forme de CO2 que ça va être dans l'océan profond. CO2 dissous. CO2 dissous. Hein, CO2 dissous. C'est dissous dans l'eau. C'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère. Voilà. Donc le problème de ce mécanisme, quand on l'accélère, c'est que plus il y a de CO2 dans l'océan, plus l'océan devient acide. On augmente l'acidité de l'océan. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. Mais c'est le pH, ça vous avez sans doute tous étudié ça en cinquième. Et donc le pH devient acide. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a un certain nombre d'organismes dans l'océan, dont les coraux, dont ce qu'on appelle les bivalves, c'est-à-dire les moules, les huîtres, les choses comme ça, qui ont des coquilles calcaires. Et ces coquilles ne supportent pas des pH élevés. Et donc, en augmentant le pH de l'océan, c'est des augmentations qui sont très faibles. En augmentant le pH de l'océan, on diminue les espaces de vie possibles pour ces organismes. Et c'est particulièrement alarmant pour tous les récifs coralliens qui sont en train de vraiment disparaître assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est les coraux. Même si l'océan a un rôle positif sur le climat en absorbant ce CO2. Et on se dit, ah, super, en fait, il y a un prix à payer, c'est que quand même, les écosystèmes marins en subissent gravement les conséquences. Donc l'océan joue un rôle tout à fait utile du point de vue du réchauffement climatique. C'est vraiment un amortisseur global absolument capital, mais en même temps, il est la victime de ce changement climatique. Tout à fait. Ouais. Et alors, vous disiez, les moules, les huîtres, alors les coraux, on le sait, ils souffrent énormément, mais à votre sens, tout ce qui est bivalve, donc moules, huîtres, peuvent souffrir également. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai mangé la semaine dernière. Ça veut dire que des huîtres et des moules. Et ça veut dire que pour vous, elles sont éventuellement menacées à terme. Alors, c'est pas complètement ma spécialité, mais ce que je peux vous dire, c'est que après, on peut déplacer éventuellement les régions où on les produit. Ça, je sais pas. On va toujours en faire dans des... L'océan ne vient pas... C'est inhomogène. Oui, dans des bassins, de manière... L'acidification, c'est un peu comme le reste. C'est pas homogène partout dans l'océan. Donc il y aura peut-être des régions qui vont rester favorables à ces cultures. Par contre, pour les coraux, ils sont aussi sensibles à l'augmentation de température. Et là vraiment, c'est vraiment pour les coraux que c'est le plus alarmant, je dirais. Ok, très bien. Est-ce que... il y a beaucoup de choses dont on n'a pas encore... parler, et notamment, j'ai quand même une petite question, il y a une quinzaine d'années, il y avait des articles qui étaient intitulés « Du fer contre l'effet de serre ». L'idée, c'était d'ensemencer les océans en fer pour qu'il y ait davantage de plancton qui soit produit, puisque le plancton a besoin de fer, notamment pour se constituer, et qu'en ensemençant l'océan avec du fer, le plancton capterait davantage de CO2 et donc constituerait un puits de carbone plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait des expériences dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que ça donne ? Alors, on a fait des expériences dans ce domaine-là. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on augmente la capture de CO2 par l'océan va devenir de plus en plus acide. Donc déjà, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaiterait. Donc c'est bon pour le climat, mais pas bon pour les espèces biologiques. Voilà. Ouais. Deuxièmement, il y a une expérience qu'on a faite où on s'était dit on va mettre du fer dans l'océan. Donc il y a un bateau qui est parti mettre du fer dans l'océan et qui s'est dit ça va développer une énorme floraison de phytoplancton qui va prendre tout ce CO2 et ça va l'exporter vers le fond de l'océan. Ça va être merveilleux. Et ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant le fer dans l'océan, le phytoplancton s'est fait tout de suite attaquer par un prédateur. Donc ça, en fait, ça a développé la croissance du prédateur du phytoplancton. Donc on s'est retrouvé dans une situation où ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et en fait, c'est un petit peu le risque de ces expériences, un petit peu d'apprenti sorcier, c'est qu'on ne peut pas maîtriser ce qui va arriver. Et ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur la chaîne trophique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va complètement perturber l'équilibre naturel. Un des exemples peut-être que vous connaissez de perturbation d'équilibre naturel de la chaîne trophique, c'était ce qui s'était passé dans les années 90 en Méditerranée, où il y avait cette algue qui avait envahi complètement la Méditerranée, la Taxifolia, et qui avait complètement pris le dessus sur toutes les autres espèces. En faisant des expériences comme ça qu'on maîtrise pas, il y a des risques qui sont très importants et pas forcément des bons résultats au niveau du climat. Il y a d'autres expériences qui ont été faites, donc cette fois-ci pas en allant sur le terrain mais en faisant tourner des modèles numériques où donc dans les modèles c'est quoi ? C'est des équations mathématiques dans lesquelles on met à peu près tout ce qu'on connaît et on essaie de prédire les choses en pouvant changer ce qui se passe. Quand on dit tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a quand même déterminé des lois physiques concernant par exemple la turbulence et ce genre de choses. Et donc on met toutes ces lois physiques qu'on a réussi à démontrer, dont on a déterminé l'existence, et on crée un véritable modèle d'océan, et puis on le fait tourner, on le fait fonctionner, et puis on voit ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à reproduire des phénomènes climatiques ou pas ? Et donc est-ce que ces modèles peuvent être prédictifs, prédire certaines choses concernant le climat ? Et donc on peut, avec ces modèles, faire des expériences où on ensemence avec du fer et regarder l'effet que ça a. Et en faisant ces expériences, donc c'est ce qu'on appelle les expériences de modélisation numérique, on s'est rendu compte que ça faisait rien du tout, en fait, ça captait pas du tout plus de CO2. Zut, bon, voilà. D'accord. Les coquilles calcaires kaki ou même d'une autre couleur vont disparaître, hop, fini. Plus de moules pour Paul, il en pleure. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Annie Cazenave, juste un dernier mot avant de vous passer le micro à vous dans la salle. On a parlé de l'élévation des océans, mais on n'a pas parlé d'une part de la raison de cette élévation, on va en parler peut-être plus tard, mais surtout des conséquences. Parce que quand vous dites, je sais plus, vous avez dit 17 centimètres, je crois, au cours du XXe siècle, ça paraît pas gigantesque. Il y a des conséquences véritables et importantes ? Mais oui, il y a déjà des régions du monde où on voit les conséquences, puisqu'on a vu que c'était pas uniforme, c'est pas homogène. Si vous prenez l'exemple de l'archipel des Tuvalu, dont on a souvent des reportages à la télévision sur les populations de cette région qui se déclarent les premiers réfugiés climatiques, etc. Mais en fait, ils ont peut-être raison de s'alarmer parce que dans cette région en particulier, le niveau de la mer a monté de plus de 30 cm depuis 1950 à cause de cette inhomogénéité de l'élévation. Alors, et la majorité du pays se trouve à 1 mètre d'altitude. C'est un atoll, ce sont des atolls et donc s'ils culminent à 1 mètre ou 2 au-dessus du niveau de la mer, 30 cm c'est déjà visible pour eux. Et puis surtout, plus la mer est haute, eh bien plus les événements extrêmes, les tempêtes, les cyclones, etc., auxquels ces populations-là sont régulièrement confrontées, eh bien plus les conséquences sont graves, parce que plus la mer est haute, plus le niveau d'eau extrême lors d'une tempête va être important. Et donc, plus l'inondation va avoir des conséquences négatives. Ouais. Donc, oui, déjà, il y a des conséquences visibles pour certaines régions du monde. Ça, c'est les Tuvalu, mais est-ce que, à votre sens, certaines conséquences qu'on voit sur des tempêtes sur les littoraux, on sent déjà l'impact du changement climatique? Non, alors globalement, je dirais non, et en particulier dans nos régions. On dit souvent les côtes sont en érosion, et c'est vrai. C'est observé, les côtes à falaises ou les plages. Je crois qu'il y a 42% des plages dans le monde qui sont qui reculent. Les côtes à falaises sont en érosion. Mais toutes les études qui ont été réalisées sur ces questions-là montrent que c'est pas la hausse du niveau des mers qui est responsable. Ce sont plutôt justement ces événements extrêmes, les tempêtes, on a vu Xynthia ou d'autres, les grands cyclones. Non, c'est quand même le réchauffement climatique, enfin le changement climatique. Non, parce que des événements, des tempêtes, il y en a toujours eu, il y en aura dans le futur. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique, elles seront plus intenses, on ne pense pas qu'elles seront plus fréquentes. Mais c'est plutôt ce genre d'événement qui est responsable de l'érosion des côtes aujourd'hui. Alors, dans le futur, il est évident que plus la mer sera haute et elle va continuer à monter, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, plus 40 cm en 2100 par rapport à 2000, c'est ça qui est attendu? Alors, ça dépend des scénarios de réchauffement et ça dépend de ce que nous, les humains, on va faire en termes d'utilisation des ressources fossiles et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Ces 40 cm, c'est dans le cas du scénario optimiste, celui auquel on devrait aboutir à la COP21 en décembre si tout se passe bien. Mais malgré ça, c'est quand même 40 cm à l'horizon 2100, en moyenne globale. Et puis, si on continue à émettre au même rythme qu'aujourd'hui, c'est pas 40 cm, c'est 80 cm. 80 cm, oui. Si en moyenne on globale. Émet au même rythme qu'aujourd'hui. Oui, ah, oui, d'accord. Voilà. Et avec des régions où il y aura clairement une amplification, dans les tropiques, dans l'océan Arctique, etc. Alors, la règle au Mardi de l'Espace, c'est que à un moment donné, je vous passe le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec Annie Cazenave et Marina Lévy. Si vous levez la main, et ben voilà. Ah, sur Twitter, on a des réactions. Oui, il y avait une première question sur Twitter, c'est à propos du graphique d'élévation au niveau des mers. Et la question est, comment on fait pour avoir une telle précision? Parce que là, on voit que c'est gradué au moins au dixième de millimètre près. Merci Guillaume. Pas tout à fait. La vitesse, on la mesure à quelques dixièmes de millimètre par an près, mais là, c'est l'échelle, ce sont des millimètres. Alors, comment on fait? Je peux vous raconter la petite histoire, c'est que au moment du lancement du premier satellite qu'on a évoqué tout à l'heure, Topex Poséidon, il y a 23 ans. En fait, on n'imaginait pas à l'époque être capable de mesurer la hausse du niveau des mers liée au réchauffement climatique. Ça faisait absolument pas partie des objectifs de la mission. Ce qui était prévu, c'était de mesurer la vitesse des courants, d'étudier El Niño, je sais plus quoi d'autre, j'ai oublié, mais enfin voilà, pas du tout cet objectif-là. Parce que à l'époque, ce qu'on appelle la précision nominale de mesure de l'altitude du satellite, qui est situé à 1300 km, par rapport à la surface de la mer, c'était exactement 13 cm. Et je m'en rappelle parce que... 13 cm, c'est quoi exactement, vous dites? C'était la précision nominale, enfin prévue par les ingénieurs. C'est-à-dire qu'on allait avoir 13 cm de précision de mesure. Alors ça veut dire quoi? Je sais pas. Si on mesure l'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer. Donc il y a une incertitude de 13 cm. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est plutôt c'est l'incertitude. Hein. C'est l'incertitude. Nous, on appelle ça la précision de mesure, mais c'est pareil. Voilà, l'incertitude. C'est plus ou moins la moitié de 13 cm. Voilà, 13 cm, plus ou moins 13 cm. Ah, plus ou moins 13 cm, carrément, d'accord. C'était la précision qui était requise par la communauté scientifique et que les ingénieurs... du projet avait réussi adopté, avait adopté et donc avait construit des instruments en conséquence. Et le CNES, à l'époque, avait, pour le lancement, dans le cadre de la communication, avait fait faire des crayons en bois, j'en ai toujours un, qui mesure exactement 13 cm. Enfin, des crayons ou des stylos, je ne me souviens plus. Ils mais... sont forts, ces communicants. Voilà. Et au fil des années, eh bien, à la fois le projet lui-même, enfin les ingénieurs du CNES, et la communauté scientifique qui travaille de concert, enfin qui travaille ensemble, ont réussi à réduire cette incertitude. C'est vrai que j'aurais pas dû utiliser le mot précision, mais cette incertitude, oui. Non plus à 13 cm, mais à 1, on va dire entre 1 et 2 cm aujourd'hui. Et ça, en améliorant toutes les corrections qu'il faut appliquer à la mesure, en améliorant la position du satellite dans l'espace, qui était la plus grande source d'incertitude, en fait. Et aujourd'hui, on aboutit à une incertitude de seulement 1 cm. Et grâce à ça, on est capable de mesurer cette hausse du niveau des mers qui fait 3 mm par an. Et cette vitesse, elle est connue avec une incertitude de, aujourd'hui, 0,3, 0,4 mm par an. Quand vous dites, aujourd'hui, on arrive à une incertitude de 1 cm par an, c'est à chaque point chaque de mesure. Chaque mesure individuelle. Or, je prends un nombre de points de mesure gigantesques. Voilà. Et donc... Et c'est pour ça qu'on arrive à des précisions aussi extraordinaires, en fait, qui nous permettent d'accéder à ce paramètre. D'accord. Mais je compense mon incertitude par le fait que je prends un très très grand nombre de mesures. Oui. Et donc, si cette incertitude elle était 10 fois plus grande, on va dire 10 cm au lieu d'un centimètre, je ne pense pas qu'on serait capable d'obtenir les cours que vous voyez d'accord, ici. D'accord. D'autres interventions, monsieur ? Je voulais juste vous demander sur la précision de 1 cm, la précision nominale, même avec un grand nombre de mesures, comment est-ce que vous êtes capable d'avoir une certitude quand on mesure par exemple 2 mm par an d'élévation du niveau des mers et qu'on a une précision nominale d'1 cm, même avec un grand nombre de mesures, est-ce qu'on parle plutôt de probabilité quand on parle de ça? Pas du tout, parce que c'est une mesure individuelle qui a une incertitude de 1 cm. Mais quand le satellite il couvre l'ensemble du domaine océanique en 10 jours et il réalise une mesure d'altitude ou de hauteur de la surface de la mer, ce qui est équivalent, tous les 5 km, c'est pas exactement ça, il y a des endroits où c'est un petit peu c'est un petit peu moins, d'autres endroits c'est un petit peu plus, à l'équateur c'est un peu plus, vers les pôles c'est un peu moins. Mais et quand vous moyennez tous ces points de mesure réalisés le long des traces, ce que nous on appelle des traces d'orbite, c'est-à-dire la projection de la trajectoire du satellite à la surface de la Terre, vous moyennez toutes ces mesures réalisées en 10 jours sur l'ensemble du domaine océanique, on arrive non pas à 1 cm de précision du niveau moyen de la mer pour une période de 10 jours, mais une précision de l'ordre de quelques millimètres à ce moment-là. Et comme la vitesse, elle est déterminée non pas avec un seul point de mesure, mais en construisant la courbe que vous voyez là, tous les 10 jours sur une longue période de temps. Là, on a 22 ans de mesure. Et là, ce qu'on appelle la hausse, la vitesse, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle, mais c'est simplement la pente de la droite qu'on voit là. Et elle, on la calcule de manière tout à fait déterministe, avec une incertitude qui est de quelques dixièmes de millimètre, exactement 0,3, 0,4 millimètres par an. Et voilà. Donc ce n'est pas du tout des probabilités, c'est complètement déterministe. Monsieur. Je reviens sur la question de l'incertitude ou de la précision. Enfin bon, vous avez expliqué El Nilo. El Nilo. El Nilo. J'ai mesuré 5 mm de décroissance moyenne. Donc j'aimerais savoir comment on peut la justifier compte tenu du centimètre de précision. Voilà, je vous montre. Monsieur a pris sa règle. N'est-ce pas? Et oui, puis il a tracé des lignes. Et puis il a donc vu qu'il y a 5 mm là. Alors c'est quoi cette histoire? Il a raison sur le chiffre. Il y a eu un creux, une baisse de la surface de la mer, enfin du niveau moyen de la mer de quelques millimètres, 5 mm, un peu plus, pendant quelques mois. Mais encore une fois, le 1 cm, j'aurais peut-être pas dû parler du centimètre, parce que c'est une seule mesure à un instant donné. En un point de l'océan. Et chaque point bleu, là, c'est une moyenne sur... alors, j'ai même pas en tête le chiffre, mais comme j'ai des collègues ici qui pourraient peut-être me répondre... Où est-ce qu'ils sont, les collègues ils se précipitent peut-être pas Marina, pour répondre. Déjà, ah. Et puis Miohara, elle pourrait me dire combien de mesures on réalise en 10 jours sur l'ensemble du domaine océanique, mais je crois que c'est plusieurs centaines de milliers. J'ai pas le chiffre exact. Oui, des centaines de milliers, oui, voilà. C'est l'ordre de mesure. Donc chaque point là, c'est une moyenne, à un instant donné, de centaines de milliers de mesures individuelles, elles-mêmes incertaines à un centimètre. Et donc on arrive à une incertitude sur ces points bleus que vous voyez là, d'un centimètre, mais de, on va dire d'un millimètre. Quoi. 100 000 mesures en combien de temps ? En 10 jours. En 10 jours, d'accord. En 10 jours. Annie ? Oui. Je voudrais te poser une question pour continuer la discussion sur El Niño. Ce sont des phénomènes qui sont vraiment très très importants. Est-ce que on a des possibilités de les prévoir et comment? Alors, je suis un peu en dehors de mon domaine de compétences, voilà. Mais l'idée de l'observer justement, et d'ailleurs grâce au satellite Topex Poséidon, on parle toujours de Topex, il fonctionne plus, mais il a des successeurs qu'on appelle Jason, dont on a entendu parler tout à l'heure, Jason 1, Jason 2. Jason 2 est toujours en orbite. Et grâce à ces satellites-là, aujourd'hui, on est capable de surveiller, d'observer le déclenchement d'un phénomène El Niño, son évolution, son paroxysme, et puis le retour vers des conditions normales. Et c'était la première fois qu'on pouvait le faire grâce aux satellites, donc au cours de ces derniers 20 ans. Et ça a permis aux océanographes de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de ces phénomènes. Et l'idée, c'est d'être capable, à partir du moment où on comprend les mécanismes, on les modélise, on sait les modéliser, et avec un certain nombre d'indicateurs comme la température de surface de la mer qu'on observe en permanence avec une fréquence quotidienne, je pense aujourd'hui, ou peut-être même toutes les 12 heures par satellite, eh bien, ce qu'on espère et qu'on commence à faire, c'est être capable de prévoir quand El Niño va arriver. D'ailleurs, cette année, en 2015, on est en situation d'El Niño. Il y a un El Niño qui s'est développé dans le Pacifique il y a déjà quelques mois et il devrait atteindre son intensité maximum vers Noël. Et il a été prédit. Alors, ces prévisions, elles ont plus ou moins de succès. Je crois que l'année dernière, les océanographes avaient prédit qu'il y aurait un El Niño, il n'y en a pas eu. Ou il y en a eu un qui a commencé et puis il a avorté. Donc, ces prévisions, elles sont encore balbutiantes, mais l'idée, c'est bien ça. C'est d'observer pour alimenter des modèles qui, eux, vont prévoir ce genre d'événement. Marina Lévy. Moi, je vais redire à peu près la même chose, mais c'est vrai qu'El Niño, on le voit très bien par satellite, parce que c'est une anomalie de contenu thermique, c'est-à-dire qu'on va avoir des poches d'eau chaude qui vont se promener dans le Pacifique, et ces poches d'eau chaude, elles vont faire des anomalies d'élévation du niveau de la mer. Donc, ce qu'on peut observer... Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que on l'a pas encore dit, mais évidemment, de l'eau qui est chaude se dilate et donc prend plus de place, si je puis dire, que de l'eau restée à une température égale. Hein. Voilà, donc c'est des anomalies qu'on voit. Alors ce qu'on voit avant un El Niño, c'est ce qu'on appelle des précurseurs, c'est-à-dire qu'on va voir sur une carte une petite tache rouge et on se dit tiens, ça c'est peut-être un El Niño. Alors le début d'un El Niño. Six mois avant un El Niño, on voit une petite tache, on se dit ça va peut-être être un El Niño. On fait des prévisions avec des modèles. Il y a certains modèles qui disent oui, ça va se développer en El Niño, d'autres qui disent non. On peut faire des statistiques avec les résultats de modèles et en fait plus on se rapproche du déclenchement réel de El Niño. Plus cette tâche, elle grossit, donc plus les incertitudes qu'il va vraiment se passer un Niño, elles se réduisent. Et du coup, on peut vraiment observer complètement sur cette période de 6 mois, à peu près, c'est 6 mois le déclenchement du El Niño, l'augmentation de cette tâche d'anomalie qu'on voit et qu'on suit parfaitement par satellite. Et donc, on sait maintenant qu'il va y avoir un El Niño et ce qui est prédit... Voilà, c'est que c'est un des plus forts de ce siècle. Annie Cazeneuve, prenez le micro si vous voulez. Enfin, le dernier plus fort, c'est celui de 1997-1998. Depuis, il y en a eu quelques-uns, mais pas vraiment intense. Et puis celui de cette année, effectivement, on s'attend à ce qu'il soit particulièrement important. Donc avec... En fait, avec toutes les conséquences climatiques qui sont associées, c'est-à-dire, comme je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure. Sécheresse. Oui, je ne sais plus parce que j'ai fait une conférence sur l'océan ce matin. Je ne sais plus si c'est ce matin que j'en ai parlé ou si c'est tout à l'heure. On en a parlé. Oui, donc les conséquences. Ces conséquences climatiques, c'est des sécheresses en Indonésie et en Australie, et avec des incendies importants, et puis des précipitations intenses et des inondations de l'autre côté du Pacifique, c'est-à-dire en Amérique centrale, au Pérou, etc. Et puis ça a des conséquences aussi sur la biologie. Alors peut-être que la biologie, El Niño et la biologie. Alors ça a des conséquences importantes sur la biologie. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé à propos de la biologie. On a parlé de l'élévation du niveau de la mer. On n'a pas parlé de comment la biologie finalement changeait avec le réchauffement climatique. Est-ce qu'on pouvait l'observer? Alors avec ce que je vous ai dit, la couleur de l'océan, les premières observations datent de 1986, donc c'était même avant l'altimétrie. Donc les premières observations datent de 86, et donc on pourrait se dire, depuis 86 jusqu'à maintenant 2015, on a 30 ans de données, donc on peut pouvoir suivre l'évolution du contenu de l'océan en chlorophylle. Et si on fait le même exercice que pour l'altimétrie et qu'on additionne comme ça tous les pixels qu'on a, on ne voit pas une pente aussi nette que pour l'altimétrie. Alors, donc on n'a pas une augmentation de la quantité aussi nette, une augmentation aussi nette que pour l'altimétrie, que pour la hauteur de l'océan, avec l'augmentation de la quantité de biomasse produite. Ouais. On a une diminution. On a une diminution. Donc attendez, c'est le phytoplancton qui baisse ou c'est la biomasse globale avec les poissons? C'est le phytoplancton. C'est le phytoplancton. Le phytoplancton. D'accord. Et donc, on pense les autres, mais les autres, on n'est pas capable de le mesurer. Et déjà, pour Sauf le phytoplancton... Sauf que vous me disiez que le phytoplancton, il a besoin de CO2, et du CO2, j'en mets plus avec le réchauffement climatique. Voilà. Donc, Mais le CO2, ça ne joue pas sur la croissance du phytoplancton. Qu'est-ce qui va jouer sur la croissance du phytoplancton, et pourquoi il y en a moins? On peut se demander pourquoi est-ce qu'avec le réchauffement climatique, il y a moins de phytoplancton. En fait, on réchauffe les eaux de surface. Et ce réchauffement des eaux de surface, on peut se dire, avec des températures plus chaudes, finalement, les organismes se développent plus vite, ce qui est vrai en manière générale, donc c'est pas cet effet-là. L'effet qui va jouer le plus, c'est qu'en fait, le phytoplancton, pour croître, a besoin de nitrates, de sels nutritifs, de fer, on en a parlé tout à l'heure. Et ces sels nutritifs, ces nitrates, sont en profondeur dans l'océan. Et le phytoplancton ne peut se développer que en surface de l'océan parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Et la croissance du phytoplancton, ça se fait par photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est limité aux 100 premiers mètres de l'océan. Donc il faut apporter des nitrates en surface pour permettre à cette activité biologique d'avoir lieu. Si on réchauffe, en fait, on va limiter les échanges entre la surface et le fond de l'océan. Et en limitant ces échanges, on limite la capacité de l'océan à se fertiliser, s'auto-fertiliser. Donc si les vous courants qui vont de la surface aux profondeurs sont réduits le réchauffement climatique. Voilà, la convection. La convection saisonnière, c'est quelque chose qui est... En hiver, on va aller... brasser la couche de surface et on va apporter des sels nutritifs en surface. Si on réchauffe, on brasse moins profond. Et moins profond, on a moins de sels nutritifs, donc on a moins de biologie. Alors pourquoi est-ce que... de combien est-ce que ça diminue? De combien est-ce que ça diminue? C'est encore très controversé le chiffre. Les estimations les plus alarmistes sont de 1% par an, ce qui est quand même beaucoup. 1% par an, c'est énorme. Mais ça signifie que là, la chaîne trophique, la chaîne alimentaire va être impactée. Tout à fait. Ouais. Il y a moins à manger pour tout le monde. Les poissons, les mammifères, etc. Voilà. Ouais. Donc, alors c'est difficile à détecter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit dans ce signal, c'est-à-dire que l'erreur sur la pente d'1%, elle est encore importante. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on n'est pas sûr encore de ce chiffre. C'est qu'il nous faudrait, en fait, vu que la pente est faible, il faudrait une période de temps plus longue d'observation pour pouvoir être sûr de cette pente. On estime qu'il faut entre 30 et 50 ans d'observation pour pouvoir détecter une pente fiable. Et elles ont commencé quand, les observations? Alors, de manière homogène, les observations, elles ont commencé... La couleur de l'océan, on la regarde avec précision depuis quand? Elle a commencé en 86, mais ça a duré pendant 3-4 ans. Après, ça s'est interrompu. Ça s'est interrompu. Et on a recommencé en 98. Et en plus, on a changer d'instrument, donc il faut intercalibrer les différents instruments. On a commencé il y a une quinzaine d'années, quoi. Voilà, donc on n'a pas assez de, on n'a pas un recul suffisant. On manque de recul, d'accord. Et il y a aussi une autre chose, je continue. Bien sûr. C'est que il y a des phénomènes comme El Niño. Oui. Qui vont faire que finalement, bah, pendant certaines périodes, ça va diminuer ou ça va croître, mais pour des raisons qui sont pas liées au réchauffement climatique, pour des raisons qui sont liées à la variabilité naturelle. Et donc, il faut arriver à détecter non seulement une tendance liée, il faut arriver à séparer la tendance liée au changement climatique à la tendance liée à la variabilité naturelle. Ce qu'on voit très bien sur la courbe rouge, où on voit bien la variabilité naturelle liée à l'événement El Niño, on la détecte bien et on voit bien la tendance climatique. Sur la chlorophylle, on n'a pas la chance d'avoir, d'avoir ces tendances de manière aussi détachée et aussi marquée. Il y a plus de 35 ans, j'ai travaillé à la NASA. Je jouais sur un piano blanc pour l'école blanche des USA. Ils ont envoyé dans l'espace un satellite pour mesurer la taille des montagnes et des glaces, des grands arbres et puis des vallées. Mais la machine, malheureusement, avait une grosse incertitude et ses sacrés communicants ont eu quand même l'idée absurde de fabriquer de longs stylos et de les offrir aux salariés. Il n'y avait plus de place dans mon studio, 3,40 m, c'est une tannée. Madame. J'ai deux questions à vous poser. J'ai fait du parapente à une époque et j'avais constaté que d'ici, on a l'impression toujours qu'il y a un vent, un seul vent, un vent dominant en fait. Et lorsqu'on fait du parapente, on se rend compte qu'il y a une dizaine de vents au-dessus de soi, plus ou moins chauds, avec les vents chauds qui montent, les vents froids qui descendent. Et à force d'en faire, je me suis demandé s'il n'y avait pas une correspondance entre les températures de l'air et les fameuses masses plus ou moins chaudes de la mer. Là, c'est la première question. Et ma deuxième question, ne serait-il pas possible de rectifier l'acidité de la mer? On rectifie bien l'acido-basique du corps humain. Pourquoi n'arriverait-on pas chimiquement à corriger là où la mer est trop acide? Alors, je vais essayer de répondre à vos questions qui sont pas faciles, pas comme ça. Alors, pour la première question, c'est une très très bonne question. L'océan et l'atmosphère communiquent entre elles. L'océan est en mouvement, comme l'atmosphère, et comme vous l'avez observé en faisant du parapente, il y a des courants dans l'atmosphère qui vont dans une direction et puis dans l'autre. Dans l'océan, c'est la même chose, on va avoir des courants de surface qui vont aller dans une direction, des courants en profondeur qui vont aller dans une autre direction. Qu'est-ce qui force ? Pourquoi est-ce qu'il y a des courants dans l'océan ? Eh bien, la raison pour laquelle il y a des courants dans l'océan, c'est parce que elle va subir l'influence de l'atmosphère. Alors tout d'abord, les vents dans l'atmosphère vont mettre par friction, en circulation, les eaux de surface océanique. Donc ça, c'est le premier moteur océanique. C'est ces vents atmosphériques qui vont faire bouger, finalement, la circulation. Et là, vous m'avez parlé de chaleur, en fait, de température. Et c'est le deuxième moteur. Attendez, parce que personne ne vous entend. C'est le deuxième moteur. Est-ce que l'on pourrait pas prévoir plus longtemps à l'avance les phénomènes Niño, par exemple, en observant l'atmosphère. Alors, c'est ce que je vais répondre à votre question. Donc, la chaleur de l'atmosphère va forcer la circulation dans l'océan. Mais en fait, c'est un système qu'on appelle couplé. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle répond elle aussi à l'océan. C'est-à-dire que la température de l'océan va modifier la température de l'atmosphère. La température de l'océan va modifier les vents dans l'atmosphère. Donc, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule. Et c'est pour ça que c'est difficile à prédire. Alors, la deuxième question, qui est la question de l'acidité. Corriger l'acidité, c'est un petit peu la même chose. Vous vous rendez compte du volume d'eau qu'il y a dans l'océan? Moi, je m'en rends pas compte. Comment est-ce que mais vous voulez modifier localement. Elle proposait de modifier localement. Mais on ne peut pas modifier localement parce qu'il y a des courants dans l'océan. Tout est mélangé. Donc, en fait, il y a des mouvements. Quand on a fait des expériences par le fer, les premières expériences d'enrichissement par le fer, ce qui s'est passé, il n'y en a qu'une qui a raté, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Mais les premières expériences qu'on a fait, en fait, on mettait du fer et c'était dispersé tout de suite. Et du coup, il ne se passait rien. Enfin, impossible n'est pas humain, plutôt, que français. Bah, il n'est pas dit que dans le futur, on ne trouve pas une solution à ce sujet. C'est-à-dire que impossible n'est pas humain, c'est bien de penser ça, mais si vous voulez, par exemple, ralentir la course de la Terre autour du Soleil, on peut se dire que c'est difficile. Donc, vous voyez ? Et après, il y a... Voilà, au niveau technologique, on en est très, très, très loin. Mais surtout, c'est pas tellement ça, c'est qu'on ne mesure pas les conséquences autres que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a deux verrous. Il y a le verrou technologique, et je pense qu'on en est quand même très loin au niveau technologique. Et il y a le verrou de qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence indirecte. Et ça, c'est des gros, gros risques. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait regarder l'avant-dernière page de notre petit livret. Donc c'est une jolie image que nous a apportée Marina Lévy. C'est l'image... on voit l'océan bleu, les nuages blancs. Qu'est-ce que vous vouliez nous montrer avec cette image, Marina Lévy ? Qu'est-ce que je veux vous montrer ? Alors d'abord, elle est à l'envers, c'est ça ? Alors, elle est dans quel sens ? Elle doit être dans ce sens-là. Parce que moi, j'ai mis le... Ah non, j'ai pas mis le niveau. Normalement, c'est... Oui, je l'ai mise comme ça. Normalement, c'est dans ce sens-là que vous m'avez donné. Voilà, donc ça, je... si je me souviens avec les nuages bien, en haut. Si mes souvenirs sont bons, c'est la mer du Nord. Donc, ce qu'on voit en brun, c'est les côtes. Ce qu'on voit en blanc, c'est les nuages. Ouais. Donc ça, c'est une photo satellite de la couleur de l'océan. Pardon ? Oh. C'est une photo satellite. C'est le satellite MODIS. MODIS. C'est le satellite MODIS qui est le satellite qui mesure la couleur de l'océan. Donc c'est un instrument et là, c'est ce qu'on appelle les couleurs réelles. Donc c'est ce que verrait l'œil, si vous voulez, si on regardait la mer d'assez haut. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde dans les bleus, que l'océan est pas du tout homogène, c'est-à-dire qu'il y a des régions de l'océan où il y a beaucoup plus de phytoplancton qu'à d'autres régions. C'est-à-dire parce que l'espèce de nuage bleu ciel, c'est du phytoplancton, c'est ça ? Voilà, l'espèce de nuage bleu ciel, c'est du phytoplancton. Alors on voit différentes teintes de bleu si vous regardez précisément, et on voit différentes teintes de bleu parce qu'en fait on a différentes espèces de phytoplancton qui vont avoir des propriétés optiques qui sont différentes. Donc on peut aussi arriver à détecter un tout petit peu de biodiversité avec ces images. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit que c'est très turbulent. On voit quelque chose qui va ressembler un petit peu d'ailleurs au nuage formes. Ouais, ouais. Un petit peu au nuage qu'on a au-dessus. C'est pas tout à fait les mêmes échelles que les échelles des nuages. Parce que ces échelles de la turbulence, pour des raisons de physique, en fait, elles sont liées à ce qu'on appelle la stratification, la densité du fluide. Et donc, la densité n'est pas du tout la même dans l'eau de mer et dans l'air. Et donc, on a des échelles plus petites dans l'océan que dans l'atmosphère. Typiquement, les cyclones et d'anticyclones dans l'atmosphère, ça a des tailles de 1000-2000 km. Si vous voulez, quand vous voyez une grosse dépression passer, c'est 1000-2000 km. Dans l'océan, quand vous voyez un tourbillon passer, c'est plutôt 50-100 km. Donc, beaucoup plus petit dans l'océan. Donc, c'est ça ce qu'on voit. Donc, l'océan, c'est un petit peu comme la Terre. Il y a des régions qui vont être des déserts. Il n'y a pas du tout... biologie, qui sont typiquement les régions tropicales, les régions chaudes, je vous disais tout à l'heure, où les échanges entre la surface et la subsurface sont faibles. Et puis, il y a des régions qui vont être très riches, comme des forêts qu'on peut observer en Europe du Nord, et donc qui vont être très vertes sur ces images. Donc là encore, l'océan n'est pas homogène, il n'est pas homogène en température, il n'est pas homogène en altitude, si je puis dire, en élévation, et puis il n'est pas homogène quant à la présence de phytoplancton qu'on y trouve, hein, région par région. Voilà, tout ouais, à fait. Ouais. Alors, c'est donc le phytoplancton. Il est à quelle profondeur, là, parce que... On voit pas jusqu'au fond de l'océan, évidemment, avec un satellite. On voit pas. Alors, ce que je vous disais, c'est que le phytoplancton a besoin de lumière, donc il est dans les 100 premiers mètres, mais le satellite ne voit pas les 100 premiers mètres. Le satellite voit typiquement les 10 premiers mètres. Alors, il se peut, parfois, on peut rater des choses. Il y a des choses que le satellite voit pas. Parfois, il y a du phytoplancton qui se manifeste pas en surface, hein, et qui est plutôt, vers 100 mètres de profondeur. Et que le satellite ça peut être gênant, parce que vous, justement, une partie de votre travail, c'est d'estimer la quantité de phytoplancton produite. Alors, comment est-ce que vous faites pour estimer cette quantité si vous ne voyez pas les 90 derniers mètres, que vous voyez que les 10 premiers mètres de l'océan? Alors, on complète les observations satellitaires par d'autres types d'observations. On va faire énormément de mesures sur le terrain. Il y a beaucoup de campagnes à la mer où on va pouvoir mesurer le phytoplancton sur toute la profondeur. Et on va utiliser ces informations qu'on va combiner avec les observations de surface, qu'on va combiner avec les informations qu'on pourra déduire des modèles pour essayer de reconstruire le champ, pas tridimensionnel, mais c'est 4D en fait, parce que c'est le tridimensionnel plus l'évolution dans le temps. Donc on utilise tous ces types d'observations pour reconstruire l'évolution de ces concentrations de phytoplancton. Et vous avez été capable de déterminer des règles suivant les régions. Vous savez que dans telle région, on va effectivement trouver du phytoplancton dans les premiers dizaines de mètres et peut-être moins en profondeur, et que là, au contraire, on en aura plus profondément, ce genre de choses. Donc on connaît un petit peu de manière statistique les distributions moyennes. Et après, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment est-ce que ces distributions sont perturbées, soit par des phénomènes naturels. Le phénomène naturel le plus simple c'est la saison, c'est-à-dire que automne et hiver, été, printemps, et comme les arbres, le phytoplancton se développe essentiellement au printemps, c'est là où il va y avoir le plus de lumière, c'est là où il va y avoir le plus d'éléments nutritifs. Après, il y a des perturbations qui sont liées à El Niño, il y a des perturbations qui sont plus courtes, qui vont être liées simplement à une tempête. Vous allez avoir une tempête, la tempête, elle peut complètement vous interrompre une floraison de phytoplancton. Pourquoi ? Parce que ça va, c'est des petites cellules qui sont en surface. Si vous avez un énorme coup de vent, ça va produire du mélange, et tout va être emporté au fond, et ça va plus pouvoir croître parce qu'ils vont plus avoir assez de lumière. Alors, on parle beaucoup de phytoplancton, donc le plancton végétal, mais il y a aussi le zooplancton, et ça, vous n'en parlez pas. Alors j'en parle moins parce que c'est beaucoup plus difficile à observer. Le zooplancton, c'est le premier prédateur du phytoplancton, et c'est on l'observe de manière beaucoup plus difficile parce qu'en fait il faut le phytoplancton, on l'observe depuis l'espace, et puis on l'observe avec des capteurs de fluorescence qui sont des outils automatiques qu'on peut traîner derrière un bateau. Et donc on peut avoir des mesures en continu de manière très simple. Le zooplancton, il faut des filets, donc tirer des filets, mesurer le zooplancton, mesurer les différentes tailles, etc. C'est un travail énorme. Et donc, on a beaucoup, beaucoup moins d'informations sur le zooplancton que sur le phytoplancton. Si le zooplancton est le prédateur du phytoplancton, on peut imaginer quand même qu'il y en a moins aussi dans l'océan, s'il y a moins de phytoplancton dans l'océan. Voilà. Ouais. Et c'est pas aussi simple que ça, en fait. Ah, c'est jamais simple. C'est jamais simple. C'est jamais simple parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs espèces de phytoplancton. Ces différentes espèces vont être mangées par différentes espèces de zooplancton. Et ce qui va se passer, c'est que, on parlait de chaînes trophiques tout à l'heure, il y a certaines espèces qui vont arriver vers des chaînes trophiques, je dirais, intéressantes, c'est-à-dire des thons, par exemple. Et il y a certaines chaînes trophiques qui vont bifurquer vers des chaînes moins intéressantes, typiquement des méduses, par exemple. Et donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas non plus. C'est en modifiant notre environnement, on va modifier aussi les chemins préférentiels par lesquels le phytoplancton va rentrer dans la chaîne alimentaire. On assiste une augmentation forte des gélatineux, c'est-à-dire donc des méduses. À quoi est-ce qu'on le doit ? On dit beaucoup que c'est à cause de la surpêche. On mange trop de thon. Il n'y a pas assez de thon dans les océans qui justement se nourrissent des méduses. Est-ce que c'est évidemment une raison, mais est-ce que ces modifications dans la chaîne trophique dues au réchauffement climatique peuvent aussi favoriser la présence de méduses? Alors, je vais vous répondre de manière très indirecte à cette question. L'océan, comme vous l'avez vu, c'est un système complexe. C'est un système compliqué dans lequel il se passe à la fois des processus physiques et des processus biologiques. Les processus physiques, on les comprend assez bien, et l'augmentation de la température, l'augmentation du niveau de la mer, c'est contraint par des lois physiques, des lois physiques qu'on connaît depuis des centaines d'années, et donc qu'on a appliquées à l'océan. Pour la biologie, je dirais, la recherche et nos connaissances en sont plus à des balbutiements, parce qu'on ne dispose pas, pour la biologie, de lois fondamentales comme on a pour la physique. Et donc, ce que les chercheurs sont en train d'essayer de comprendre, c'est d'essayer de voir comment on peut simplifier la biologie pour essayer d'en déduire des lois de comportement, comment décrire la complexité de la vie pour arriver à répondre à ce genre de questions. Donc pour l'instant, ce genre de questions, pour la biologie, on peut y répondre que de manière statistique, que de manière expérimentale. On constate qu'effectivement, il y a des transformations dans les écosystèmes, on constate qu'il y a des modifications de la température, on essaye de faire des expériences en laboratoire où on change la température et on voit quelles sont les conséquences sur les organismes, mais on n'a pas encore de lois qui nous permettent de dire de manière causale, des lois de cause à effet, alors que pour la physique, ces lois, elles existent. Voilà. Il y a une autre image tout à fait étonnante, c'est celle qui est juste après. C'est l'image verte. On ne va pas dire tout de suite ce qu'elle représente. Donc c'est une espèce de tourbillon, si je puis dire, avec une sorte de point blanc au bout d'un. On ne dit pas tout de suite ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça représente, cette image, madame? Un bateau, dit madame. Vous savez là-bas. Quelle suggestion vous avez? Qu'est-ce que ça peut bien représenter? C'est le pointeur du prof, dit. Ouais, qu'est-ce que c'est, Marina Lévy? C'est une image satellite. Annie Cazenave dit je ne sais pas. Elle sait pas ce que c'est. C'est une belle image satellite. C'est une image qui date du mois dernier, qui a été prise par un satellite qui s'appelle Sentinel 2, qui n'était pas un satellite qui était fait a priori pour observer l'océan. Qui est un satellite qui a ce qu'on appelle une résolution de 10 mètres, c'est-à-dire que chaque pixel de cette image fait 10 mètres sur 10 mètres. Donc c'est une résolution très fine. Et cette petite tache blanche allongée avec une trace noire derrière, c'est effectivement un bateau. Un bateau qui traverse l'image. Et ce qu'on voit sur cette image, c'est la couleur de l'eau. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment cette signature de phytoplancton. Là, on est dans le visible. C'est vraiment ce qu'on voit avec l'œil humain. On voit la trace du bateau. Alors, qu'est-ce que ça nous indique, ça? Ça nous indique que. Et puis, elle est bien rectiligne, en plus, hein. C'est très tourbillonnant, mais la trace du bateau, elle est tout à fait rectiligne. Bateau, il est allé tout droit. Ça nous indique, finalement, que ce phytoplancton, il est très, très près de la surface. On a affaire à une espèce qu'on voit plus dès qu'on écarte un tout petit peu les eaux. Et ce qu'on voit aussi, c'est un magnifique tourbillon. Là, je vous parlais des cyclones et des anticyclones dans l'océan. Le voilà, et voilà les traînées, et voilà toutes les petites échelles, et voilà toutes les turbulences qu'on voit bien. Et on voit bien à quel point ça joue sur la vie, que sur la vie dans l'océan. On voit que la vie dans l'océan, elle est liée à la physique, à la circulation, au courant. C'est ça ce que nous dit cette image. C'est que c'est parce que ça bouge qu'il y a de la vie. Si ça bougeait pas dans l'océan, il y aurait pas de la vie. Et là, ça se voit bien. Il faut du mélange, hein. Il faut que les molécules se rencontrent, que les êtres vivants rencontrent les bonnes molécules, etc. Il faut que ça brasse. Annie Cazenave, je vous en prie. C'est dans la mer de Barents. Magnifique image. Alors vous qui êtes une spécialiste de la turbulence, ça doit vous mettre en joie une image comme ça. Ah moi, toute la communauté était vraiment complètement ébahie par cette image. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Ouais. En plus on a l'échelle avec le bateau. Magnifique. Madame. Merci. Dans les super schémas que vous nous avez donnés, il y a celui de la circulation thermohaline. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les mouvements horizontaux. Mais il y a aussi les mouvements verticaux. Et j'avais lu quelque chose, je ne me souviens plus dans quoi, tendant à démontrer que le réchauffement climatique induirait une disparition, une atténuation, voire une disparition de cette circulation, surtout des remontées. Alors, est-ce qu'on peut commenter ce document, dessin de la page 5, la circulation thermohaline? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Bon, je vais commencer, puis je passerai le micro à Marina, qui complétera. Parce que enfin, moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste de cette question. Mais bon, ça représente la circulation à grande échelle à travers tous les océans, qui est générée par le moteur de cette circulation, c'est la plongée des eaux froide et salé dans le nord de l'Atlantique, bon, au sud du Groenland, comme on le voit, qui vont ensuite. Alors, excusez-moi, il faut expliquer. Une eau froide, effectivement, elle est moins... Elle est plus dense. Elle est plus dense. Elle est salée. Elle est moins dilatée qu'une eau plus chaude. Voilà, donc elle est froide, elle est plus dense, elle est salée, donc elle est aussi... Donc elle est froide, donc elle a envie de plonger. Oui. Et elle est salée. Elle est salée, donc elle est... On parlait de la salinité hein, tout à l'heure oui. avec... Marina Lévy, effectivement, ça aussi, c'est un facteur qui détermine le fait qu'une eau va avoir envie de plonger, si je puis dire. Il y a des zones dans l'océan, et en particulier dans l'Atlantique Nord, où les eaux vont plonger vers le fond, et puis vont décrire cette grande boucle qu'on voit à travers l'Atlantique, puis l'océan Pacifique. Donc là, on est encore dans le bleu, là, on est dans le bleu. Donc on va passer au sud, on voit qu'il y a une division, là, on va soit monter vers l'océan Indien, soit aller dans l'océan Pacifique. Donc il y a un endroit où les eaux plongent, il y a deux endroits où les eaux remontent à la surface. Les eaux remontent à la surface, et quand elles sont à la surface, elles sont plutôt chaudes, et c'est le cas notamment de... Elles sont chaudes et peu salées. Un peu moins. Un peu moins salé, oui, ouais. Je pense. D'accord. Et donc, le Gulf Stream, qu'on connaît bien ici, est une branche de cette boucle de retour qui remonte des tropiques jusque vers le nord de l'Atlantique. Alors. Il faut peut-être donner une échelle de temps. Alors, l'échelle de temps, c'est plusieurs siècles. On va bien poser la question. C'est qu'on a le moment où ces eaux plongent, effectivement, hein, on le voit là, en haut, au nord de l'océan Atlantique. Et puis ensuite, ça va ressortir, par exemple, dans l'océan Pacifique. Combien de temps après? Combien de temps est-ce que les eaux mettent à circuler dans le ruban bleu? L'échelle de temps pour la boucle totale, c'est plusieurs siècles, un millénaire à peu près, c'est ça? Plusieurs siècles à un millénaire. Oui. Donc je plonge au nord de l'océan Atlantique. Oui, je mets un petit bouchon. Et pour le retrouver au même endroit, il va falloir attendre 500 ou 1000 ans. Je ne sais pas exactement. C'est l'échelle de temps, voilà. Donc c'est gigantesque. Voilà. Ce sont des courants extraordinairement lents. Ce sont des courants très lents. Ouais. Et donc, je vous écoute, pardon. Non. Qu'est-ce qui va se passer dans le contexte du réchauffement climatique? Eh bien, ce moteur, il risque d'être moins efficace. Parce que les eaux froides et salées, excusez-moi, quand on dit efficace par rapport à quoi? Par rapport à la situation actuelle, situation moyenne. Et donc c'est-à-dire qu'on aura moins de plongées, c'est ça que moins ça veut de plongées, ouais. Et donc, voilà. Donc c'est une circulation qui va être moins intense. Le si débit vous voulez. Sera moins fort. Voilà. Ouais. Et donc, si dans le contexte du réchauffement climatique, si les eaux sont plus chaudes, Et peut-être moins salé parce que là on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ce soir, mais les glaces fondent. Oui. De l'eau douce, c'est plus léger que l'eau salée. L'eau chaude aussi, c'est plus léger que l'eau froide. Et donc ce moteur, il va être moins efficace. D'accord. Et du coup, quand on parle de la diminution de l'intensité de cette circulation thermohaline, voire son arrêt. C'est à cause de ça justement l'efficacité des plongées. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, il y a certains climatologues qui disaient oui, la circulation thermohaline risque de s'arrêter. De s'arrêter dans le contexte du réchauffement climatique. Aujourd'hui, les climatologues disent plus du tout ça. Par contre, il y a un certain consensus au sein de la communauté des modélisateurs du climat. Parce qu'ils ont fait tourner leur modèle pour différents scénarios de réchauffement. Et ce consensus dit qu'il risque d'y avoir une diminution de l'intensité, et en particulier dans nos régions là, du Gulf Stream et son prolongement qui est la dérive nord-atlantique. Après, avec des conséquences éventuelles sur le climat de l'Europe, mais bon... On va peut-être revenir sur le micro, juste un petit mot, Nicaznav. Ne vous débarrassez pas du micro tout de suite, j'ai encore une petite question à vous poser. On va parler du Gulf Stream peut-être ensuite, tout à l'heure, mais quand même, une chose importante, c'est que ces eaux qui plongent là, au nord de l'océan Atlantique, ce sont des eaux qui ont capté du CO2, si je ne me trompe pas. C'est un puits de carbone qui est à cet endroit-là, non? C'est ce que j'ai cru comprendre, mais peut-être que je me trompe, hein. Non. Oui, c'est un puits de carbone. C'est un puits de carbone, donc il y a du CO2 qui plonge à cet endroit-là. Il y a du CO2 qui plonge, ouais. Tout à fait. Donc si on ralentit la circulation thermohaline, une des conséquences immédiates, ça va être de diminuer le piégeage de CO2 par l'océan. Donc il y aura davantage qui restera dans l'atmosphère. Et autre chose, c'est que ce CO2 qui part dans cette circulation thermohaline... C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vous réchauffez, parce que vous mettez du CO2 dans l'atmosphère, ouais. Vous réchauffez et du coup, et ça en pompe moins, donc ça s'accumule de plus en plus dans l'atmosphère. D'accord. Donc il y a des processus de... Donc le CO2 est en train de partir, mais ça veut dire quand même que dans 500 ans ou dans 100 ans ou que sais-je, quand il va ressortir, là on va avoir du CO2 qui va revenir dans l'atmosphère dans 500 ans. Oui, il va revenir. D'accord. Donc, c'est pas piégé pour l'éternité. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une... Enfin, ça peut être embêtant. Enfin, d'ici 500 ans, on sera... Je sais pas où on sera, mais... Voilà. Tout à fait. Ça va retourner à l'atmosphère. Ça va pas rester... Ça va retourner à l'atmosphère. Donc ça va réchauffer. Il y a une petite partie... toute petite partie qui va rester au fond de l'océan, qui va sédimenter, qui va constituer les stocks de fossiles, d'énergie fossile, en fait, finalement. Comment se sont constitués les stocks de pétrole, de gaz, etc. C'est ce processus naturel d'enfouissement de carbone. Mais ça correspond à 1 pour 1000 de ce qui... 1 pour 1000, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et tout le reste va effectivement retourner à l'atmosphère. Mais dans 500, dans 1000 ans, vous voyez ? Thermohaline, c'est quoi ce mot-là ? Thermique, Alain. Et Alain, c'est quoi Alain ? Alain, c'est le sel. Alain, je ne connais pas. Alain, c'est le sel, Alain, voilà. Alain, c'est le sel. Donc, c'est, c'est la chaleur et le sel. C'est la circulation qui est liée à la chaleur et à la salinité. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marie Cazenave ? Non, moi, c'est... Non, c'est bon, c'est bon. Marie Cazenave, c'est un mélange entre Marina Lévy et Annie Cazenave. Marina Lévy, pardon. Merci. Alors ma thermodynamique est un peu rouillée, mais est-ce que en augmentant la température en surface, on va pas créer aussi une inertie thermique ? Enfin, les échanges, il y a du plus chaud en haut, mais ça reste aussi froid en bas. On va pas accélérer les échanges thermiques dans un premier temps ? Lesquels échanges thermiques ? En fait, on va augmenter le gradient de température. Tout à fait. On va augmenter le gradient de température, et en augmentant le gradient de température, on peut se dire que effectivement la diffusion, elle est proportionnelle au gradient de température, donc elle va augmenter. Mais il n'y a pas que la diffusion, il y a aussi ce qu'on appelle l'advection. Bon, déjà, ça c'est ce qui est lié au courant. Et il y a aussi ce qu'on appelle la convection. Ça, il y a différents mécanismes. L'advection, c'est ça ? L'advection, c'est le transport par les courants. Okay. Et en fait, là où ça va surtout jouer, c'est que ça va limiter la convection. Et pour convecter, on a besoin de creuser, d'homogénéiser la température de plus en plus profond, et plus ce gradient est fort, plus c'est difficile de travailler contre ce gradient. Voilà. Madame. En ce qui concerne l'effet de serre, est-on vraiment certain aujourd'hui que cet effet de serre... Ça commence mal. Que cet effet de serre est la cause, a pour cause principale le gaz carbonique et non pas également de la vapeur d'eau du fait du réchauffement climatique. On en est absolument certain et on le quantifie de manière très précise, c'est-à-dire qu'il y a des... Oui, mais et qu'en est-il de la vapeur d'eau qui est importante actuellement ? Tout à fait. Donc en fait, on a tout à fait... On a été capable d'attribuer... Les responsables dans l'atmosphère de l'effet de serre, et le responsable principal, c'est l'augmentation du CO2. Et ensuite, il y a d'autres gaz comme le méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre, et c'est ces gaz-là qui sont responsables du réchauffement climatique, et on en est certain, et on a été capable de le mesurer, de le calculer précisément. C'est des lois physiques. Mais la vapeur d'eau joue également, non ? Ou pas ? Mais la vapeur d'eau, elle... Enfin, c'est les nuages, si j'ai bien compris. L'effet de serre, il faut savoir, l'effet de serre, c'est un processus naturel. Ouais. C'est-à-dire que sans l'homme, on avait déjà l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est un processus naturel. Ce qui se passe, c'est qu'on augmente les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc on va augmenter la force de cet effet de serre. Sans effet de serre, la température à la surface de la planète, je connais plus les chiffres, mais je pense que c'est moins 30 ou moins 50... Moins 18 sans effet de serre. Donc là, on a un effet de serre, ce qui nous permet d'avoir des températures moyennes de combien ? 15 degrés. Donc grâce à l'effet de serre, on passe de moins 18 à plus 15. Donc ça, c'est lié à la vapeur d'eau, au CO2, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on fait une perturbation de ce système. On fait une perturbation en rajoutant du CO2 et en rajoutant du méthane. Et cette perturbation induit une petite augmentation de température. Cette augmentation de température, elle est de 1 à 2 degrés pour l'instant. 1 degré pour l'instant, mais vous voyez, c'est 1 degré par rapport aux 30 degrés que font déjà l'effet de serre de manière naturelle. Donc il faut voir ça comme ça. Alors comment expliquer que dans le passé, la Terre a connu des périodes de glaciation et de réchauffement alors qu'il n'y avait pas d'usine ? Alors ça s'explique très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, il y a des périodes où la Terre est plus proche du Soleil, il y a des périodes où la Terre est moins proche du Soleil. Et donc, l'énergie solaire reçue par la Terre varie sur ces périodes de temps-là, qui sont les périodes glaciaires, interglaciaires. Et c'est ça qui va faire ces oscillations lentes du climat. Il n'y a pas que le carbone. Il n'y a pas que le carbone, dit madame. Ah non, le climat varie de manière naturelle, de manière très forte. Ce qui se passe, la différence importante entre le carbone et ces cycles glaciaires, interglaciaires, c'est quoi, à votre avis ? C'est quoi, à votre avis, la différence importante entre le carbone et ces cycles glaciaires, interglaciaires ? Je peux souffler ? Oh ben allez-y, avec plaisir. Les échelles de temps ? Les échelles de temps ? Bah oui, les échelles de temps. L'augmentation de 1 degré qu'on a vue là, on l'a vue sur quoi ? Sur 100 ans ? Sur 100 ans. Les cycles glaciaires, interglaciaires, c'est combien de temps ? 100 000 ans. 100 000 ans. Donc on voit en 100 ans ce qu'on voyait sur 100 000 ans. C'est pas du tout la même chose. L'adaptation est pas du tout la même. Il y a tout le système qui doit suivre derrière. Je suis pas sûre qu'on ait tout bien compris. Bah, grosso modo, on n'a pas tout compris, mais on a compris beaucoup de choses. Quand on parle de cycle glaciaire interglaciaire, voilà, ce sont des évolutions qui se produisent sur 100 000 ans, alors que là, on a des élévations de température qui se produisent sur à l'échelle du siècle. Bon, donc c'est pas les mêmes phénomènes et ils n'ont pas lieu à la même vitesse. Ce qu'on peut rajouter, c'est que au cours de ces cycles glaciaires interglaciaires qui ont affecté surtout le dernier million d'années avec cette période de 100 000 ans, le taux de CO2 dans l'atmosphère a varié sur une gamme de, je me rappelle plus exactement en termes de minimum, mais en maximum pendant les périodes chaudes du dernier million d'années, 280 ppmv, c'est-à-dire parties par million en volume, et aujourd'hui on en est à 400. C'est-à-dire que pendant ces cycles glaciaires interglaciaires, on est multiplié par 1,6 quoi. Oui, 30% d'augmentation. Pendant ces cycles glaciaires interglaciaires, où la température moyenne de la Terre a varié de 5 à 6 degrés seulement. C'est pas beaucoup, et pourtant 5 à 6 degrés en moyenne, ça fait que on a des calottes de glace de plusieurs kilomètres sur l'Amérique du Nord et sur la Scandinavie, et puis des périodes chaudes comme aujourd'hui, 5 à 6 degrés en moyenne. Et un taux de CO2 qui n'a jamais dépassé 280 ppmv. Pendant les périodes chaudes et pendant les périodes froides, un taux plus bas, une concentration plus basse dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 400. Et ces 400, on les a envoyés dans l'atmosphère, bon, si, pour parler de manière un petit peu simplifiée, en 100 ans. Et surtout depuis 1950, en fait. C'est là qu'il y a eu une accélération des émissions. Donc, comme a dit Marina, c'est l'échelle de temps qui est très perturbante, en fait. C'est la rapidité de ces phénomènes. Et voilà. Oui. Attends, on va... Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bon, je comprends bien ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire le problème d'échelle de temps qui n'est pas du tout le même. Mais à l'inverse, si vous voulez, ce que vous constatez, vous, dans les premières courbes que vous avez données, c'est des élévations de, disons, allez, 40 cm ou 30 cm, quelque chose comme ça. Mais à ces périodes-là, les élévations étaient autrement plus grandes et on a survécu à ça. On a survécu, enfin les humains à l'époque se sont déplacés, ont survécu à ça avec des moyens techniques qui n'étaient qui étaient très très loin d'être les nôtres maintenant. Donc, si vous voulez, le problème du CO2, c'est un problème qui est à traiter. Mais le problème des augmentations de niveau de la mer, c'est presque ridicule par rapport à ce qu'ont subi les humains pendant les périodes glaciaires. Il y a quand même une grande différence, c'est que il y a 100 000 ans, je sais pas exactement quel est le chiffre, mais très peu d'humains sur la Terre. Enfin, voilà, Homo sapiens, il était même pas encore né. Il y avait effectivement quelques humains sur la planète, mais aujourd'hui on est 7 milliards. C'est quand même ça qui change tout. Et en 2050, 11 milliards, je crois. En 2050, bon, les projections, c'est vers 9. Entre 9 et 10. Enfin, on ne sait pas très bien, mais c'est ça qui change tout. Et on a une proportion importante d'êtres humains qui vivent le long des côtes. C'est un peu aujourd'hui. Plus de 50% de. Non, alors le chiffre que je vous ai donné, il n'était pas correct, mais c'est à peu près 600 millions de personnes qui vivent le long des côtes à une élévation, enfin en dessous de 10 mètres par rapport au niveau de la mer. Et on s'attend à ce que vers 2060, ce soit 1 milliard 2, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui change tout entre la poignée d'humains qui effectivement survivaient très bien des variations de niveau de la mer de l'ordre de 100 mètres ou 120 mètres. Je crois que c'est le fait que la population humaine est aujourd'hui très importante et qui crée ces impacts qui peuvent être négatifs. Marina Lévy, puis après monsieur voudrait poursuivre. Oui, d'abord, je voudrais juste dire une chose, c'est que nous, on est des océanographes, et donc on n'a jamais dit que l'espèce humaine allait disparaître. Il y a, ni Annie, ni moi n'avons dit ça, donc je voudrais juste remettre les points sur les i là-dessus. Je ne pense pas que l'espèce humaine va disparaître. L'espèce humaine a des capacités d'adaptation, et on le sait. Ce qu'on a observé au cours des périodes glaciaires, interglaciaires, c'est des grands bouleversements au niveau de la biodiversité et des grandes extinctions d'espèces. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre. Maintenant, pour ce qui concerne l'homme, il va y avoir des grands bouleversements et des grandes adaptations à faire. Ces bouleversements, ils ont un prix. Et ils vont avoir un prix humain également. Et ça, je suis pas économiste, donc moi, je suis pas capable de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, ça va toucher les populations côtières, ça va toucher essentiellement les pays tropicaux, ça va toucher les populations pauvres, et donc ça va toucher des milliards de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'adapter. Donc, il va y avoir des conséquences humaines dramatiques qui vont pas être l'extinction de l'espèce, mais on peut pas dire qu'il va pas y avoir de conséquences humaines dramatiques. Elles vont avoir lieu. C'est quasiment certain. Et des migrations importantes, et par exemple des familles de pêcheurs qui vont plus pouvoir pêcher parce qu'il n'y aura plus rien à pêcher, des agriculteurs qui pourront plus cultiver ce qu'ils cultivent depuis des générations parce que les températures vont plus être les bonnes, des gens qui vont être inondés, des îles, des gens qui vont devoir déménager, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, de retrouver tout ça sur des périodes de temps très très courtes avec des populations de millions de personnes qui vont être obligées de se déplacer en même temps. Ça va faire des... Voilà, on peut s'attendre à des choses comme ça. Maintenant, c'est pas notre travail à nous. Nous, je répète, on est océanographe. Oui, mais sans vouloir banaliser, bon, disons une branche des Homo erectus, puis les autres après disparaissaient. Bon, elles disparaissaient. Voilà, c'est tout. Et puis il y avait une autre branche qui survivait à un autre endroit. Bon, maintenant. Justement, si vous voulez, sans vouloir tuer les gens qui sont au bord de la mer, mais justement, on est 11 milliards, donc bon, on sera 11 milliards, bon, peu importe, on est un certain nombre de milliards, si un petit pourcentage de ces gens-là bon, subissent les conséquences, bien sûr, rassurez-vous, c'est presque pas vous, négligeable. C'est pas vous qui allez en subir les pires conséquences. Voilà. Si ça peut vous rassurer, ça sera pas vous. Merci Xavier d'adoucir la tonalité. Quand la mer sera moins salée, l'addition, elle, sera salée. Mais on sait qu'Alain, c'est le sel, j'ai la solution toute belle. Il faut pondre un beau décret interdisant dans le monde entier de donner comme prénom Alain pour un petit garçon. Thermo Alain. Monsieur. Oui, pour revenir sur la question du CO2, qui est une question aussi économique, hein, y a-t-il pas un seuil au-delà duquel, finalement, le CO2 n'aura plus d'effet négatif ? C'est-à-dire que une saturation pourrait intervenir du fait des phénomènes concurrents d'absorption et d'émission du CO2, qui interviennent beaucoup d'ailleurs dans l'infrarouge. Je me posais la question, est-ce qu'on s'interroge sur rajouter du CO2 ? Est-ce que ça ne va pas conduire un jour à annuler l'effet du CO2 ? Ah bah non, pas du tout. Non, c'est sûr. Non, oui, il y a pas de... C'est comme si vous mettez un couvercle sur votre marmite, hein, et le couvercle, ouais. Il est là, et il va pas... Vous pensez qu'il va fondre, hein. Non, si vous mettez un couvercle sur votre marmite, vous allez produire de la vapeur d'eau. Et je crois que quelqu'un a déjà soulevé la question en disant que la vapeur rayonnait énormément dans l'infrarouge, ce qui est juste. Mais non. Si vous prenez une colonne d'air de CO2, il arrive un moment où le rayonnement est également absorbé par le CO2 lui-même et réémis. Non. Mais le rayonnement, il est réémis déjà par le CO2. Il est déjà réémis par le CO2. Oui. En fait, le rayonnement, ce qui se passe, oui. C'est que vous avez le CO2. Je n'ai pas tout compris. Hein. Le rayonnement, il traverse dans un sens. Et après, c'est les propriétés du CO2 qui font effectivement qu'il le réémettent vers la surface et qui l'empêchent de sortir. C'est l'effet terme. Il le réémet dans toutes les directions, mais déjà maintenant. Déjà dans l'espace aussi, mais c'est déjà le cas actuellement. Ça dépend pas d'un seuil de CO2. Ces mécanismes-là, ils sont déjà là actuellement. Plus de CO2 conduira toujours à davantage de chaleur. Voilà, c'est ça que vous dites. Plus de CO2 produira toujours davantage de chaleur. Et ça, en fait, ça se calcule, hein, et en plus, ça s'observe. C'est-à-dire que on a l'avantage d'avoir ces carottes de glace à Vostok, là, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire des carottes de glace, donc où on a fait des forages très profonds. Dans l'Arctique. Hein. Dans l'Arctique. Et donc il y a un film qui sort demain, donc au cinéma. Ça s'appelle comment ? Vous l'avez vu, Annick ? C'est intéressant. Le ciel et la glace. Le ciel et la glace. Et donc Claude Lorius, qui était ce scientifique qui a fait avec Jean Jouzel. Les premières mesures, en fait, ils ont mesuré dans les bulles de glace. Donc, ils ont fait un sondage profond de la glace. Et en fait, en étant en profondeur, on remonte dans le temps. C'est la glace qui s'est formée il y a très, très longtemps. Et donc, ils arrivaient à remonter aussi longtemps pour voir plusieurs cycles glaciaires-interglaciaires. Donc, on voit quelle est de quoi est composé l'air il y a des centaines, voire davantage d'années. Hein. Donc, on a des bulles d'air. Et grâce à ces bulles d'air, on peut mesurer la concentration qu'il y avait du CO2 dans l'air à cette époque-là, à l'époque où les bulles ont été formées. Et on peut mesurer la concentration en vapeur d'eau, je ne sais pas, peut-être pas. Je ne connais pas bien les détails, mais je sais qu'on peut mesurer le CO2. Et du coup, on peut reconstruire des courbes qui mesurent la variation de température et la variation de CO2 dans ces bulles au cours des périodes glaciaires, interglaciaires, et on voit que c'est très très corrélé. Donc là, on monte sur des dizaines de milliers d'années, voire davantage. Ouais. Ouais. On voit que... Un million d'années. Quasiment on voit que quand il y avait plus de CO2, les températures étaient plus chaudes. Quand il y avait moins de CO2, les températures étaient plus froides. Ça se voit très très nettement. Il y a un autre laboratoire, c'est la planète Vénus quand même. Parce que sur la planète Vénus, il y a énormément de CO2 et il fait quand même 500 degrés à la surface, non ? C'est pas... Alors monsieur, vous voudriez ajouter quelque chose ? Moi, je me posais la question de la transmission des rayonnements. Bon, c'est quand même le soleil qui contribue à échauffer la Terre, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je me posais la question de la transmission du rayonnement. À partir d'un certain moment où on aura un tel point de CO2, qu'à la limite, le rayonnement, il devrait être aussi dans les hautes... couche de l'atmosphère, être complètement absorbée et réémettre vers l'espace un grand nombre de cette énergie. Donc il y a peut-être un problème aussi de bilan d'énergie à faire et se poser cette question-là. Je vous dis ça comme ça, moi. Moi, c'est pas ma spécialité de faire le bilan d'énergie dans l'atmosphère, parce que, bon, je suis océanographe, mais je sais que j'ai des collègues qui le font et qui travaillent précisément là-dessus, et donc je sais qu'il y a des recherches précises là-dessus, et où donc on mesure, je pense que dans les hautes couches de l'atmosphère, c'est plutôt un refroidissement qu'on observe. Donc au niveau de la stratosphère, ça se refroidit, c'est à peu près, et alors qu'à l'intérieur, ça se réchauffe. Annie Cazenave, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais rajouter une anecdote à propos de Claude Lorius. On m'a raconté, et je pense que ça doit être indiqué dans le film, que je n'ai pas vu, mais qui paraît absolument formidable, il faut aller le voir. Claude Lorius était avec d'autres collègues envoyés en Antarctique pendant l'année géophysique internationale, donc je crois que c'était en 1957, pour faire des recherches sur les glaces. Et en fait, ce qui l'a rendu célèbre, en fait, c'était pas du tout l'objectif de cette mission au départ. Et on m'a dit, et je pense que c'est vrai, c'est en prenant l'apéritif là-bas sur une base, la base en Antarctique, ils avaient mis un whisky, bon, ils avaient mis des glaçons qu'ils avaient été chercher dehors, hein, dans le verre, et ils ont vu qu'il y avait un dégazage, des bulles d'air qui sortaient. Ils se sont dit, mais dans la glace, il y a de l'air qui est piégé. Et c'est ça qui les a amenés, enfin lui et ses collègues, hein, qui les a amenés à faire ces recherches qui ont complètement bouleversé notre connaissance des climats passés de la planète. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire comment la science, des fois, prend des chemins inattendus, détournés. C'est la sérendipité. Madame. Non, oui, on entend parler des gaz, des bovins. Non, mais est-ce que c'est sérieux? C'est la fameuse méthane, là. C'est tout important, à fait sérieux. Ça, ou quoi? Ah oui, c'est important. Alors, je connais pas les proportions par rapport à la contrainte. C'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus efficace que le CO2. C'est beaucoup plus fort que le CO2, mais il y en a beaucoup moins. L'effet plus fort, à quantité égale, l'effet beaucoup plus fort, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins que du CO2, mais néanmoins... 83% pour le CO2. Ah là, tu parles dans le micro, sinon on ne vous entend pas, Annie Cazenave. 83% pour le CO2, 17% pour le méthane. La quantité dans l'atmosphère. Voilà. Madame. En fin de compte, on n'a pas encore parlé de la fonte des glaciers. Alors j'aimerais y revenir pour deux raisons. D'abord parce que ça augmente la quantité d'eau dans la mer. Tout à fait. Ça baisse la salinité. Oui. Et ça baisse l'albédo. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Voilà, exactement. On n'a pas encore parlé de la raison pour laquelle effectivement on a cette élévation du niveau de la température. On a compris que quand on a un réchauffement global, les océans se réchauffent eux-mêmes, donc ils se dilatent et ils prennent davantage de place. Mais c'est pas le seul phénomène. Non, c'est pas le seul phénomène. Ça explique à peu près 40% de la hausse actuelle, le réchauffement de l'océan, donc la mer qui se dilate. Et le reste, c'est pour l'essentiel la fonte des glaces. Alors il y a les glaciers de montagne, vous savez tous qui reculent. Hein, on a vu tous plein de photos prises en 1900 et aujourd'hui sous le même angle de certains glaciers. Et puis bon, ils ont disparu. Le Kilimandjaro, c'est impressionnant. Oui, alors même dans les Alpes, enfin les glaciers bien sûr, des Alpes voilà. Donc il y a les glaciers de montagne et puis il y a ce que nous on appelle les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, qui perdent de la glace. Alors l'ensemble de tout ça, mais ça explique à peu près les 60% de la hausse de la mer. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que les glaciers de montagne, on sait depuis longtemps qu'ils fondent parce qu'on les observe. Enfin, tous les gens qui vont en vacances à la montagne peuvent l'observer par eux-mêmes. Mais pour l'Antarctique et le Groenland, en fait, on le sait depuis pas longtemps, depuis une quinzaine d'années, et grâce aux satellites. On a découvert, en les surveillant par des satellites, y compris les satellites altimétriques dont on a parlé tout à l'heure, mais d'autres satellites aussi qui mesurent les variations de la masse de la glace. On a observé que depuis le milieu des années 90, le Groenland perd de la glace dans les régions périphériques et l'Antarctique de l'Ouest aussi perd de la glace, et ceci de façon accélérée. Le processus s'est accéléré au cours des années 2000. Et donc la question, c'est de savoir si ça va continuer, s'il va y avoir un emballement de ces phénomènes ou si c'est juste quelque chose, une oscillation, quelque chose de transitoire. Et ça, ça préoccupe beaucoup les glaciologues, les climatologues, parce que si le Groenland fondait, ça ferait quand même plus 7 mètres de hausse du niveau des mers. Et si la partie instable du continent antarctique, qui est l'Antarctique de l'Ouest, fondait, ça ferait plus 5 mètres. Donc 7 et 5, ça fait 12. Et ça commence à faire beaucoup quand même, 12 mètres. Voilà. Un mot sur l'albédo, dire un mot de... Ah, l'albédo, il faut peut-être dire un mot. Rappelez ce que c'est que l'albédo. L'albédo, c'est le fait que c'est la chaleur soit non c'est réfléchie. Pas la chaleur c'est pas oui ça enfin c'est l'énergie le rayonnement, le rayonnement en général quand c'est voilà, blanc voilà, quand c'est blanc ça. Ça repart vers l'océan ben, enfin voilà les nuages quand, ont un quand on albédo, a quand on a par exemple une banquise au pôle nord et puis des glaces sur les continents, voilà, eh bien, l'énergie qui vient du soleil, qui est reçue par la Terre, en fait, est rémise quasiment directement. Oui, enfin, bon, il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère, mais pour l'essentiel, repart dans l'espace. Voilà. Et si la glace disparaît, ben, si c'est par exemple la banquise fond et que maintenant on a de l'océan et plus de la glace, eh bien, il y a moins d'énergie qui va repartir dans l'espace parce qu'une partie de cette énergie qui vient du soleil est absorbée par l'océan. Et donc, c'est ce phénomène d'albédo qui crée une rétroaction positive du réchauffement. Positif, ce n'est pas au sens moral. Hein. Positif, c'est au sens que ça augmente le réchauffement. Ça augmente, ça amplifie le réchauffement. Oui, c'est ça. Quand on parle de rétroaction positive, d'accord, ça veut dire qu'il y a une amplification du amplification réchauffement. Amplification du phénomène. Et quand c'est une rétroaction négative, ça veut dire que ça l'atténue. Est-ce qu'on peut regarder la page 6 parce qu'on a, on a cette jolie photo de famille des satellites altimétriques du CNES, donc Topex Poséidon 92-2006, Jason 1 de 2001 qui fonctionne encore, Jason 2... Jason 1 c'est fini, pardon. Jason 2, Jason 3, ça c'était en 2013. Non, Jason 3 il n'est pas lancé. Ah, il n'est pas lancé. Alors, c'est vous devez avoir tout. Une vieille figure. Oui, c'était une vieille figure. Ah, je sais pas si vous la fournit. Elle est pas à jour. Alors, attendez, parce que Jason 3, c'est pas ce qu'on appelle. Je suis perdu. Hein. Jason 3, c'est pas ce qu'on appelle Jason CS. C'est encore autre chose, ça. Jason CS, c'est en 2020. Hein. Voilà, Jason 3, il devait être lancé cette année au mois d'août. Et puis, il y a eu des problèmes avec le lanceur américain qui devait le lancer. Il a explosé. Donc, il n'a pas été lancé, heureusement. D'accord. Bon, c'est imminent en tout cas. Donc on parle de décembre, oui. Mais ce sera peut-être reporté au printemps prochain. Voilà. Et on a Jason CS là en page 7. Et je ne sais pas si vous êtes en mesure de me le dire, mais j'ai vu que sa physionomie était extrêmement différente de celle des autres satellites. Je ne sais pas si vous étiez en mesure de l'expliquer. Si ce n'est pas le cas, on passe. Hein. Mais voilà, c'est en 2020 que c'est prévu. Voilà, c'est là. Parce que bon, on l'a vu pour cette surveillance de l'océan. Pas seulement pour étudier la hausse du niveau des mers, mais pour étudier tout l'océan, la circulation, etc. On a besoin d'avoir toujours au moins un satellite en orbite. C'est pas facile d'assurer cette continuité parce que ça coûte cher. Ce sont des missions qui coûtent très cher. Et donc, il faut arriver à convaincre les agences spatiales, etc., de faire ce choix, de lancer un nouveau satellite pour prendre le relais de celui qui marche le plus. Mais bon, pour l'étude du climat, la surveillance des océans, c'est absolument fondamental. Fondamental, je crois qu'on l'a bien compris. Et c'est quand même une satisfaction, j'imagine, pour le CNES, que d'avoir ce partenariat avec la NASA autour des satellites altimétriques. C'est quand même l'onction de la part de grands spécialistes de l'espace, là. Oui, alors il y a un autre satellite qui n'est pas là, qui est en collaboration avec la NASA, qui s'appelle SWOT, hein, qui est prévu pour 2018, je crois, à peu près. SWOT, oui. SWOT, je ne sais plus SWOT, ce que c'est comme acronyme. Mais c'est un altimètre, très, très différent des Jason. Les Jason, Annie en parlait tout à l'heure, c'est des mesures le long d'une trace. Donc en fait, on a un point le long d'un trait. SWOT, ça va permettre d'avoir une vision... le long d'une trace élargie en 2D, comme ça. Et donc, on va pouvoir voir, en fait, en détail, la structure fine de la hauteur de l'océan le long de la trace. Donc ça, c'est une avancée technologique énorme. Et donc, c'est fruit d'une collaboration CNES-NASA. Voilà. Et puis je rajoutais, en fait, SAUT, initialement, il a été proposé, cette mission a été proposée par la communauté scientifique française et américaine, surtout pour étudier les eaux continentales, c'est-à-dire étudier les ressources en eau sur les continents, l'eau qui est dans les lacs, les fleuves, etc., enfin, toutes les eaux de surface. Et puis on s'est dit on a un satellite qui va regarder les continents, enfin les terres émergées, mais il va aussi forcément survoler l'océan. Donc cette application à l'étude de l'océan, elle est venue après, mais elle est absolument fondamentale, je crois, pour les océanographes. Peut-être un petit point que je voulais rajouter sur les satellites, hein, c'est qu'on a beaucoup plus d'idées de satellites d'observation de la Terre qu'on a de satellites d'observation de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une le CNES et la NASA, ils ont des moyens merveilleux qui nous ont permis de faire des avancées gigantesques, mais ils ont des moyens qui sont évidemment limités, et donc ils sont obligés de faire des arbitrages, de faire des choix. Et ces choix, ils se font entre différents satellites pour des raisons qui sont pas forcément toujours scientifiques, qui sont des raisons qui peuvent être aussi d'ordre économique, d'ordre de collaboration avec des pays qu'il faut mettre en avant. Et donc il y a une compétition aussi avec d'autres domaines scientifiques, les sciences de l'univers, hein, qui aussi utilisent des moyens satellites. Donc le CNES utilise une partie de ses moyens pour l'observation de l'univers, pas seulement l'observation de la Terre. Une dernière question de monsieur avant qu'on ne se quitte. Je vais vous demander, est-ce que les données issues de ces satellites sont accessibles au grand public, et si oui, sous quelle forme? Voilà. Elles sont accessibles. Vous allez sur le site du CNES, sur le site de la NASA, et vous allez les télécharger. Elles sont totalement libres d'accès. Ça dépend de certains. Il y a certains satellites. Alors les satellites, lesquels sont pas libres d'accès? Il y en a quelques-uns, ceux qui regardent. Les satellites d'observation, mais pas d'observation de la Terre. Ces données-là sont pas libres d'accès. Oui, mais tous les satellites dont on a parlé, la température, la chlorophylle, la hauteur de l'eau, non seulement les produits bruts sont disponibles, mais ce qui est aussi disponible, c'est les produits retravaillés par les scientifiques. Et des produits évolués, vous pouvez télécharger tout ça, vous pouvez refaire tous les calculs vous-même. Vous pouvez vérifier s'ils ne sont pas trompés. Qu'est-ce que, avant qu'on ne se quitte, peut-être madame, et puis vraiment, ensuite, ce sera le moment de se quitter. Je vous en prie. Est-ce que ça va avoir une influence sur les marées avec la Lune, si le volume des océans augmente? Alors, non, je ne crois pas. Le phénomène de marée, il est bien compris. C'est l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas que l'océan qui pulse toutes les 12 heures. Mais la Terre solide, vous vous en rendez pas compte, mais vous montez, vous descendez, vous le savez, ça, de 30 cm toutes les 12 heures. 30 cm, ah oui. Oui, enfin, toutes les 12 heures, puis il y a aussi cycle journalier, etc. Pardon ? 12. Et c'est toute la Terre qui se déforme, y compris l'océan. Mais non, la hausse du niveau des mers, on pense qu'il n'y a pas de lien d'influence sur les marées. Je ne sais pas pourquoi je parle plus tant de ça aujourd'hui, j'en parle jamais d'habitude, mais je vais revenir à mon truc. C'est que ça joue sur la vitesse de rotation de la Terre. Alors, le champ de gravitation qui est un petit peu modifié. Mais l'ordre de grandeur, je ne connais pas bien, mais c'est de l'ordre du millionième de seconde. C'est pas, mais ça se mesure. Excusez-moi, vous parlez de l'influence de la Lune sur la vitesse de rotation de la Terre. Non, c'est ça? Je parle de l'influence des marées. Du fait qu'on répartit différemment la couche d'eau. Oui, différentes fluides. Voilà, c'est ça. Donc l'influence des marées sur la vitesse de rotation de la Terre. Voilà. Absolument, d'accord. Avant qu'on ne se quitte tout de même, Marina Lévy, Madame Cazenave, qu'est-ce que vous attendez de la COP21? Moi, je peux dire ce que j'attends de la COP21. Ouais. J'attends qu'il y ait des mesures qui soient prises, parce que je pense que nous, ce qu'on peut faire en tant que scientifique, c'est d'alerter. Et je pense que d'alerter, à l'échelle individuelle, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je pense à d'autres exemples qui ont eu lieu par le passé avec d'autres problèmes. Un problème, c'est par exemple le tabac. On nous a alerté, on nous a dit le tabac, c'est vachement dangereux, ça fait mourir. On a vu des gens mourir autour de nous. Ça n'empêche pas les gens de fumer. Finalement, ce qui a arrêté les gens de fumer, c'est d'augmenter le prix de la cigarette, c'est d'interdire le tabac dans les lieux publics Et ça a marché. Il y a un autre exemple qui concerne l'environnement, qui a bien marché, c'est l'exemple de la couche d'ozone. Les scientifiques ont alerté, on a commencé à observer une disparition de la couche d'ozone qui était liée à l'émission de gaz réfrigérants dans l'atmosphère. Des mesures ont été prises, on a arrêté l'émission de ces gaz, la couche d'ozone a commencé à se reformer. Et moi, ce que j'attends de cette COP21, c'est qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Parce que on peut faire des choses au niveau individuel, on peut penser à éteindre sa lumière, on peut faire des choses comme ça, mais je pense que ça ne va pas suffire, il faut vraiment une volonté politique derrière. Alors, bon, moi aussi, comme tout le monde et comme Marina l'a dit, on espère qu'il va y avoir un accord. Moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'il y aura des accords parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, toutes les nations, celles qui se sont déjà engagées à réduire leurs émissions, ils travaillent depuis notamment la COP20 à Lima l'année dernière. Et donc, je pense qu'il y aura quelque chose. Et puis, les États-Unis, les plus grands pollueurs, les États-Unis, la Chine, ont annoncé haut et fort qu'ils allaient réduire leurs émissions. La question, c'est de savoir si ces promesses seront tenues, parce qu'on peut toujours signer un accord, mais est-ce que les promesses seront tenues ? C'est un problème très difficile, parce que, contrairement au tabac, on peut vivre sans tabac. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas vivre sans énergie. Et on a besoin d'énergie pour vivre, pour se déplacer, pour se chauffer. On a besoin d'électricité. Et donc, aujourd'hui, je crois le chiffre, c'est de l'ordre de 90% de l'énergie est basée sur les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Il va falloir trouver des énergies alternatives ou un mode de vie où on n'utilise pas les énergies fossiles. Il faut changer nos modes de vie, c'est clair. Après, on peut continuer à émettre, mais il faut peut-être faire du captage de CO2 à la source. Il y a plein de gens qui réfléchissent à ce genre de questions. Donc, il y a tout un champ de réflexion. Et je pense que l'innovation, là, est le mot peut-être clé pour, derrière ces questions-là. Alors, on a bien compris avec vous que l'océan était effectivement un acteur du climat. Il absorbe de la chaleur, il absorbe du CO2, donc il a un effet positif, je dirais. Il est aussi une victime du réchauffement climatique. On le voit notamment avec les barrières de corail. On a des satellites qui permettent de suivre ces évolutions et on suivra bien sûr Jason 3, dont le décollage apparemment n'a pas eu lieu, mais va avoir lieu tout prochainement. Alors c'est vrai que l'espèce humaine, elle, quand on prend les choses de façon extrêmement large, d'un point de vue strictement biologique, l'espèce humaine, elle s'en fiche, elle résistera à tout ça, mais quand même, si on regarde les choses de très près, ça risque d'être des drames humains et concernant des populations importantes. Et il ne faut pas se leurrer. S'il y aura des drames humains quelque part très importants, ça aura de toute façon aussi des impacts sur nous. On peut l'imaginer. Alors on peut espérer qu'avec cette COP21, on assistera effectivement à un sursaut. Et un sursaut notamment des pays qui ne se sont pas encore engagés sur des chiffres précis. Je pense quand même aux États-Unis. Je pense à la Chine qui produit aujourd'hui davantage de gaz à effet de serre que les États-Unis. En tout cas, les mobilisations individuelles sont importantes, mais elles ne suffiront pas. On a besoin de politique, comme on a besoin de satellites, et puis comme on a besoin de vous. Merci infiniment, Marina Lévy et Annie Cazenave. Et on se retrouve le 17 novembre, explorer sans contaminer. Au mois prochain, au revoir, merci. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.